L'assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, assemblage Reiki. On apprendra comment mieux vivre en jouant les parents dans les instructions d'assemblage et on gaspillera notre argent comme des enfants dans ça existe, mais ça ne devrait pas là. Tout ça et Tania is gonna entertain ya. Assemblage Reiki tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 17 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Avec Tania Bourdin. Salut Tania. Hey, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. T'as l'air d'être en forme, là, puis de péter le feu. J'ai bu mon premier café de la journée, mais je t'avoue qu'il m'en manque encore. Tu l'as fait à la maison? Oui, oui. T'es physiquement capable? Je suis physiquement capable. Moi, depuis que la chasse galerie est dans ma vie, j'ai jamais ressenti le besoin de faire du café un jour de semaine. Ah, j'avoue, hein, mais... Ça s'est déjà discuté. Je me lève pas mal plus tôt que toi, alors oui, on oui, se oui. doit de prendre un café quand on s'appelle Tania Bourdin. Tout à fait vrai. Quelle heure tu te lèves en général? Ce matin, je me suis levée, il était 5h20. OK. Je vais laver mon beau grand corps. Alors. C'est bon. Dans les détails aujourd'hui. Alors, de quelle façon est-ce que tu commences par le bas, le haut, le milieu? Pardon? Non. Ouais, non, c'est passons à un autre appel. Exact. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Tania, je te renseigne sur le plan d'aujourd'hui. Malheureusement, je dois t'annoncer dès le départ qu'on n'aura pas Justine Renaud tel que prévu et tel que précédemment annoncé. Ah non, comment malheureusement. Ça? Malheureusement. Problème d'ordre médical. On la remet à la semaine prochaine. Mais elle va bien, elle va s'en sortir. Excellent, c'est une bonne nouvelle. C'est exactement ça. Donc, on va avoir 2 heures devant nous, toi et moi. Mais ouh, toi et ton grand corps. C'est correct parce que quand même, aujourd'hui, on déguste des affaires. Oui, c'est vrai. Oui, dans oui, oui. la chronique... Une grosse pointe d'adresse. On va faire ça dans le milieu de l'émission, probablement. On verra tout à l'heure, mais on va manger quelque chose et bien sûr parler de fast-food autour de ça. Ben on oui. a notre classique du mercredi qu'on n'a pas eu le temps de faire hier parce qu'on avait un débordement de chronique. Donc, on va faire ça avec ça devrait répondre là, en ce jeudi matin. La chronique du jeudi, habituellement, c'est les instructions d'assemblage. Donc, on va la faire en début d'émission tout tantôt. C'est la nouvelle expression que les jeunes utilisent entre tout à l'heure et tantôt. C'est tout tantôt. Tout tantôt. Mais c'est correct, on devrait la prendre plus souvent. C'est exactement ça. C'est comme dire que tu reviens dans 2 instants. C'est, moi, j'invente des expressions que les dans jeunes... Dans 2 instants, c'est comme 2 secondes puis 1 instant. Exactement. T'as tout compris, t'es une petite bite? Tout à fait. En char et ailleurs. Et en dans douche et Tania is gonna entertain you, votre oui. chronique préférée quotidienne. C'est la seule chronique quotidienne qu'on a, mais... Aussi la meilleure. Aussi. Et voilà, tout est dit. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui en long et en large. On va commencer en musique avec, je sais pas aujourd'hui ce que tu portes, Tania. J'ai pas eu le temps de regarder sous la table encore. Mais je t'offre un braid et mini skirt. Une mini jupe. Je suis en short, mais pas en jupe, malheureusement. Ben, ça sera pour hier, alors. À son âge, Rocky, jusqu'à demain. What you wanna call it? How about I'm fairly choked? Cause I know some just see my body, and every girl I know at some point stopped eating. I'm not a man hater, I enjoy them like cake. But in my position, I'm the slut, I'm the bitch, I'm the whore, the one you hate. And there's a name. Well, this kind of man, a soft one at that, womanizing, casting over the stereo. For I touches is for him. My mother's soul he devours with a grin. And when she finds out the child he is taking, confronts her, mistakes him, and breaks them all up. Boxes on the lot. Woman shelter for 9 months. Cross the street to the church. Pray confusedly about what has enough to start a new beginning for us both. I thank you, Canada. Parfait pour la température d'aujourd'hui, ça. C'est vrai, hein? Il annonce chaud. Mon Dieu, qu'il va faire chaud dans les bureaux ça, un petit peu plus tard. Je parle de la chanson, évidemment, pas la jupe. Ah, excusez. Vous êtes à l'Assemblage Requis, et en ce début d'émission, ce qu'on fait le jeudi, habituellement, depuis les dernières sessions, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous le savez, c'est un classique, c'est qu'on apprend à mieux vivre tous ensemble. On a des petits conseils de vie. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. J'espère que vous avez tous suivi ces instructions-là, hein? Mais oui. Tu sais? C'était très clair. Voilà, comme tu dis. Donc, c'est les instructions d'assemblage. Quelques petits conseils de vie. C'est du... comment dire? Des affaires évidentes parfois, des affaires compliquées parfois, des affaires que vous n'auriez pas pensé faire. Par exemple, de passer son doigt, tout trempe, léché mouillé, sur une surface pour que le plastique, l'emballage plastique, colle mieux. Mais qui a jamais fait ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Je savais pas ça. Non, c'est vrai, j'ai jamais fait ça. Mettre votre doigt dans l'eau. C'est The One Pot Chef qui dit que ça fonctionne sur n'importe quel buzz. Puis il y a un problème à faire coller le collant. Donc, selon Reddit, l'emballage plastique est un peu comme une substance un peu comme de la gélatine. La gélatine devient collante lorsque contact avec l'eau. Une réaction similaire a lieu dans ce cas-ci. C'est aussi pour ça que c'est difficile de toucher à de l'emballage plastique quand vous avez les doigts mouillés, habituellement. Tu vois, j'aurais jamais pensé ça, mais bon, toi qui es si forte. Hein? Ben, je pense que ça vient avec le fait si tu cuisines ou pas. Ah, ben, c'est ça. Ce qui n'est pas mon cas. Et voilà. Je n'ai pas de lunch non plus, donc j'ai pas vraiment d'emballage plastique. En fait, ça fait 2-3 semaines que je me dis qu'il faudrait que j'achète ça et du papier d'aluminium et du papier parchemin. T'as tout compris. C'est tout. Je suis plus équipé. Ensuite, faites des ballons de glace circulaires avec des ballons. Ah! Intéressant quand même. Donc, un seul morceau de glace dans un cocktail, ça peut tout changer. Hein? Ça peut rendre ça, ça peut diluer un petit peu l'alcool pour ceux qui aiment moins le goût fort. Et ça peut rendre ça plus froid si les gens n'aiment pas la température pièce. En plus d'être cool, un gros morceau de glace, ça va fondre plus lentement que plusieurs gros morceaux de glace. Ah ça? Ouais? Plus que plusieurs petits morceaux de glace, c'est ce que je voulais dire. Donc, s'assurant que votre boisson va rester froide plus longtemps et va moins être diluée. Donc, vous n'avez qu'à remplir de petits ballons, des ballons qu'on utiliserait pour des batailles de ballons d'eau. Mm-hmm. Hein? Remplir ça d'eau ou de n'importe quel liquide qu'on voudrait faire glacer. On pourrait se faire, par exemple, un café glacé avec du café glacé dans une glace glacée, du café glacé. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais dit comme ça à la radio, ça doit pas être très clair. C'est ça. Ben oui, c'est clair. Une glace de café, on comprend. Et puis, on met ça sur une plaque à biscuits dans le congélateur jusqu'à ce que ce soit prêt, par exemple. Et ensuite, on va couper le bout du ballon, on va peler ça et ça va donner une grosse boule de glace satisfaisante lorsqu'on la lâche dans un verre. Ça explose pas, le ballon? Non, au froid? Je croyais que ça pourrait exploser. Ah. Ben, je sais pas s'il y a une différence pour... Je sais qu'il y a des ballons qu'on utiliserait pour des batailles d'eau. Alors, je sais pas si c'est une sorte de ballon différente. Ça, je peux pas te dire. Peut-être. Ensuite, tiens, peut-être cherchais-tu, Tania, à accrocher des foulards dans ton garde-robe. Je sais que tu portes souvent des foulards à cette température-là. Je ne comprends jamais les filles. Mais je sais que les filles ont un corps différent. Il n'est pas très, très chaud. Là. Même ce matin, j'en ai un. Là. C'est pour ça que Mathieu dit ça. C'est que présentement, je porte un foulard. T'en as eu un toute la semaine à la date, je pense. Presque. Ouais. Et il n'est même pas 8 heures encore et j'ai un foulard. Mais il fait quand même très chaud. Oh. Mais je dois dire qu'il n'est pas épais. Là. C'est pas chaud comme foulard. Un collier, ça serait pas mieux? Plus facile. C'est mieux. Ben... C'était quelque chose à cacher. Ça habille d'une différente façon. Non, même pas. T'as pas plein de plaies dans le cou qu'on a pas vu. Tu cachais quoi, un foulard? Donc, eh bien, non. Non. Détrompez-vous. Accrochez vos foulards, tiens, hein, voilà, avec un support, un cintre et des attaches rideaux de douche. Mais j'avoue que l'idée est très bonne. C'est pas fou, là. Hein, c'est pas fou pantoute. En tout cas, donc, c'est intelligent. Si t'es tanné de fouiller dans tes tiroirs, organisez ça dans votre garde-robe facilement. C'est rien de plus à dire que ça, je pense. Ça va être facile de fureter vos foulards. Ensuite, tiens, on nous dit ici, on nous suggère sur le blog twosense.lifehacker.com de ne pas aller jusqu'en burn-out de votre budget avec de petites indulgences, de petits cadeaux que vous faites à la place de faire un seul grand cadeau. Conseil que jamais je réussirai à suivre, mais ça prend la discipline pour garder un budget, un plan de dépenses. La plupart des experts disent que de se donner un petit cadeau une fois de temps en temps, c'est important pour garder sa discipline. Mais la nature de ces indulgences-là est importante. Donc, quand on fait son budget, okay, ouais. Quand on fait son budget, évidemment, le budget de tout le monde est différent, mais tu vas avoir un budget, un montant d'argent que tu vas pouvoir dépenser par toi-même et on te dit de faire de plus petits budgets. Donc, on va assigner un montant de dépenses et on va focusser sur se gâter à la place d'attendre et d'avoir un gros cadeau qui va être plus difficile à la fin. C'est ce qu'on nous conseille dans ce blog-là. Est-ce que exemple, du fond de teint pour une femme, ça peut être calculé comme un petit cadeau? Combien coûte ton fond de teint? Ben, ça dépend de la marque. C'est ça, du Lise Wattier, mettons, qui va coûter 62 piastres plus taxes, mettons. Ouais, ça, c'est le cadeau. Ça, c'est le pas cher, ça, j'imagine, en plus. Non, il y en a du beaucoup moins cher que ça. Ah, boy, je connais ça. Parce que j'imagine que c'est plus facile de garder un budget quand t'es un homme que quand t'es une femme. Non, ça dépend. Je suis pas un homme dans tous les points. Mais je suis féminin sur les affaires. Et le magasinage, c'est ça. On se connaît même. Ensuite, vos légumes verts, vos feuilles, salades et autres, kale et choux frisés, etc., etc. Pour les garder plus frais plus longtemps, on nous dit de les mettre dans le spinner à salade. Tu sais, le spinner à salade, les mettre là-dedans. Mais juste pour les conserver? Pour les conserver. Ça commence à tourner, ça, ces produits-là, apparemment, après une journée environ, si tu les mets pas correctement dans un bon... De la bonne façon. Donc, c'est un spinner à salade. Kristen Miglore, chez Food52, suggère d'utiliser cet outil de préparation à salade. On lave et on fait tourner ça là-dessus. Et ensuite, on met tout ça dans le frigo, dans le réfrigérateur, avec le couvercle. Et on peut laver ces feuillages directement dans le spinner en remplissant la cavité d'eau et ensuite en faisant tourner les feuilles jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse et ensuite en enlevant le panier pour enlever l'eau. Mais il va rester assez d'humidité en bas du spinner pour garder vos feuilles hydratées et les empêcher de virer noir. Ben, maudite, j'avais jamais pensé à ça. Moi non plus. Cette méthode-là est bonne pour les épinards, la rougoula et la laitue. Pendant jusqu'à un mois. Un mois. Un mois, crime, c'est long quand même pour de la... La salade. De la salade. Mm-hmm. Justement, on reste avec le spinner à salade. Je sais pas comment t'appelles ça en français. Là. Une essoreuse à salade. Une essoreuse à salade. Une essoreuse à laitue. Hey, en parlant de laitue. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une joke pour toi. Ah non! Puis là, c'est dans ton style de joke. Je la vois venir. Et puis c'est mon neveu qui me l'a conté. C'est de mon calibre. Salutations à Malik Tadili. Mathieu... Tadili. Délicieux. Ah. Oui. Mais Mathieu, qu'est-ce qu'on fait avec des voleurs de salade? Mais en laitue. Comment ça, Pourquoi tu la connaissais? C'est tellement évident. J'aurais jamais fait attendre. Avoue qu'elle est bonne. Elle est très bonne. L'autre soir, on l'a ri vraiment longtemps, mais je crois que la fatigue avait embarqué à un certain point. Ouais, je pense que t'es fatigué. Je pense que je suis fatigué, c'est pour ça que je la ris, mais toi, l'es-tu? C'est deux blagues. Pour le prix de... Et comment est-ce que tu appelles une Barbie avec une moustache? Je sais pas. Une barbichette? Oh, wow. On se pue plus ce matin. J'en avais avec Ken, mais je m'en rappelle plus. Je suis sûr que tous nos auditeurs ont maintenant quitté. Ils ont fait un accident de char pour éviter ça, c'est clair. Des fois, il faut ce qu'il faut. Ça. Hey, faudrait faire une chronique juste des blagues. Ah, vraiment? Comment est-ce qu'on appellerait ça? Hey, je sais même pas. Hein. Blague à part, comme à part plus. Blague à part plus. Ah, peut-être. La machine à part plus. Donc, on parlait de sorbet à salade, Tania? Des oui, de on salade. Parlait de salade avant que je fasse ma joke. Pour empêcher, pour rétrécir, raccourcir un petit peu le temps de séchage de votre linge sur une ligne pour faire sécher votre linge, évidemment. Une donc, corde à linge, une quoi? Une corde à linge. C'est une très bonne façon, donc, les sorbets à salade, d'enlever un petit peu d'humidité dans vos vêtements, nous dit-on. Ah. Donc, si t'as besoin de laver quelque chose rapidement et que t'as pas de laveuse sécheuse à la maison, une essoreuse à salade, une très bonne façon de sécher de petits éléments, de petits vêtements facilement avant même de les passer sur la corde à linge. Hein? Mais c'est sûr qu'il faut pas que tu mettes une paire de jeans dans ton essoreuse à salade, là, ça prend de la place. Une énorme essoreuse à salade? Non, je crois pas, non. Donc, un petit spin rapide pour enlever un petit peu d'eau et ça peut couper le temps de séchage de moitié. Hey, mais je savais pas ça. Ben, moi non plus, hein. Il y a des conseils qu'on se croirait dans une revue Châtelaine. Il y en a des moins pires que ça. Donc, pour aiguiser le petit outil avec une lime à ongles. Ouais. Qui servait d'une lime à ongles pour faire que les ongles. Si tu as besoin de peut-être, je sais pas, affiler. Un petit outil, affiler. Ouais, c'est ça. Donc, un petit objet de métal, quelques petits glissages, un petit peu à la Tinder, gauche-droite, là, pour ceux qui connaissent pas le mouvement, sur votre lime à ongles. Par exemple, un exacto, des pinces à sourcils. Hein? C'est une suggestion de One Good Thing. Donc, on passe ça plusieurs fois dans la même direction sur ta lime à ongles. Une lime à ongles en tissu qui sont plus en papier sablé. Pas sur en métal. Je pense pas que ce soit celle en métal qu'on nous dit. Hein. Je pense pas. Ça ressemble à celle en papier sable. Mais ça doit tellement faire de bruit, tu sais, comme le grincement des ongles sur un tableau. Il y en a, c'est leur style de musique qui écoute la musique expérimentale de l'image d'ongles. Pis de... Ouais, non, mais c'est pas la mienne. Moi non plus. Bref, ça fonctionne bien. Ensuite, c'est H.264FI qui empêche YouTube de complètement gâcher la batterie de votre ordinateur, laptop, de votre portable. Tu sais, YouTube prend beaucoup de votre batterie. En fait, Google Chrome prend aussi beaucoup de votre batterie sur un Mac en tant que tel. Mais donc pour Chrome et Firefox, YouTube n'est pas très efficace dans Chrome et dans Firefox. Et en fait, How2Geek nous dit que ça épuise votre batterie beaucoup trop rapidement, votre pile. Donc, on dit que le problème est avec le codec. Donc, ça, c'est des encodeurs, des codeurs là, de Google, VP8 et VP9. Dans Google Chrome et Firefox pour jouer des vidéos. C'est ça qui est utilisé par Safari, Internet Explorer et Microsoft Edge, le plus récent furteur de Microsoft dans Windows 10. Donc, la lecture des fichiers H.264 pour décoder, c'est hardware accelerated, donc ça utilise le matériel de ton ordinateur, les pièces, et ça profite de votre graphics processor, le GPU qu'on appelle, ce qui veut dire que votre processeur d'ordinateur n'a pas à travailler autant et il va y avoir moins de batterie gaspillée. Hein? Ah! D'accord. Donc, si tu veux que les vidéos YouTube jouent mieux et de façon plus efficace en ne gaspillant pas ta batterie, tu peux changer soit un autre furteur que Chrome et Firefox ou encore utiliser l'extension H.264FI pour forcer votre furteur à demander la vidéo H.264 sur YouTube. En plus de sauver la vie de votre pile, économiser la vie de votre pile, la lecture devrait être plus fluide, particulièrement sur les ordinateurs qui ont moins de capacité physique. Ah, mais c'est bon à savoir, ça. Tout à fait. Ensuite, on nous dit de ne pas faire de tempête d'idées, de brainstorm avec une page blanche. Quand tu fais du brainstorm, souvent, tu veux juste laisser couler tes idées et les écrire sur papier, mais souvent, ça ne t'amène pas ben loin. Donc, 99U nous dit que c'est mieux souvent de se trouver un but ou encore une limite. Mais c'est pas déjà ce que tu essaies de faire quand... Ouais, c'est ça. Ben, il va falloir aller plus loin que ça. Donc, on parle de restriction, OK? L'idée ici, c'est de diriger tes idées. OK. OK. Donc, si tu essaies de trouver des idées alors que ta page est blanche, tu n'auras aucun plan ou direction, ligne directrice, et ça va t'amener nulle part. Donc, on dit, si ton idée... Attends un peu. C'est ça. Donc, la prochaine fois, tu essaies de trouver une idée, de focusser un petit peu et de trouver quelque chose qu'on nous dit. Moi, j'avoue que c'est pas super. C'est pas, ouais, non, c'est pas super intelligent, en fait. Il y a toujours un dans le groupe que je regrette d'avoir fait. Mais ouais, tout à fait. Tu sais, c'est marqué. Là, je vais lire comme il est. Sens, ouais, what if your idea only works between 2:13 and 2:15 each day? Et si c'est comme ton idée ne fonctionnait qu'entre 2h13 et 2h14. Moi, je la cache. Tu réfléchis juste une minute par jour. C'est 2 minutes, je pense. Mais bon. Oui, voilà, 2 minutes, pardon. Toi et les maths entre 2h30 et 2h15, j'avoue que c'est ça. Je l'ai dit qu'il me manquait mon deuxième café. Un petit défi. Moi, je vais en prendre un premier pour la prochaine collègue des instructions d'assemblage. Donc, maintenant, on nous suggère de garder notre take-out, mettons, du chinois que tu te commanderais. Okay? Mm-hmm. De le garder dans le petit bol de carton, dans le micro-ondes, jusqu'à ce que tu sois prêt à le manger. Ah! Donc, tu viens aller chercher du take-out. Mais t'es pas encore prêt à manger, t'as d'autres affaires à faire, peut-être t'as d'autres choses à cuisiner, peut-être que tu t'es fait des pâtes pour aller avec ou quelque chose de genre. Peu importe, peut-être que t'as promené le chien, envoyé un courriel, attendre que quelqu'un arrive pour manger avec. Peu importe, donc tu mets tes restants dans le bol de carton, dans le micro-ondes, et tu fermes la porte pour que ça reste au chaud et que ça goûte comme si c'était fraîchement cuisiné. Et t'allumes pas le micro-ondes, c'est pas ça, t'allumes pas le micro-ondes. Tu utilises le micro-ondes comme façon d'isoler ta nourriture. C'est chez The Kitchen qu'on a testé ça avec des verres d'eau pour voir si le micro-ondes aidait à la température. Et finalement, oui, ça t'aide en masse. Tu vas perdre beaucoup moins de chaleur dans tes plats. Hein? Ah ben, ça va augmenter ta durée d'au moins une demi-heure de chaleur. Par rapport à ne pas le mettre dans le micro-ondes et juste le mettre sur la table. Ça, c'est comme... comptoir. C'est comme mettre la boîte de pizza dans le four quand t'arrives à la maison, mais pas que tout le monde est prêt autour de la table, mettons. Exactement. Sauf que ça, d'habitude, t'as tendance à allumer le poêle à un minimum d'habitude, non? Pas moi. Pas toi? Toi, tu fais ça? T'allumes le four? Non, toi, tu mets juste... OK, moi, peut-être la pizza, mettons, à rester chaud, mais toi, tu mets la boîte de pizza dans le four. Ouais, c'est ça, okay, exact. Oui, exact. C'est la même chose. OK. Même chose. Voilà. Ça aide. Ça. Tout est dit. Ensuite, on sait maintenant comment révolutionner le monde. Ah, ça change tout. Ça change absolument tout. Ensuite, faites des cubes de thé pour surcharger, si on veut, vos smoothies. Est-ce que tu fais des smoothies des fois? Oui. Ma famille et moi sommes quand même adeptes des smoothies de fruits, oui. On t'appelle Smoothania? Smoothania. Donc, on peut ajouter un petit peu de saveur à ces boissons en utilisant des cubes de thé glacés à la place de glace normale. On pourrait faire la même chose avec... c'est ça. On peut faire la même chose avec plein d'affaires, mais quand même. La plupart des smoothies demandent déjà de la glace, je pense. On demande déjà de la glace des fois dans les smoothies. Bon, donc aussi bien... Ou des fruits congelés. Congelés. Donc, ça pourrait être la même chose, la même idée. Ça ajoute un petit punch sans ajouter trop de calories ou une tonne d'ingrédients. Donc, on fait le thé comme on le fait d'habitude. On laisse refroidir température pièce et ensuite, on verse ça dans un bac à glace. On le congèle. Je pense que ça, l'idée est assez facile là-dessus. C'est assez normal, oui. Pour encore plus de kick, peut-être ajouter des baies, peut-être utiliser des thés glacés, des cubes de glace faits avec du thé noir. Tu pourrais aussi utiliser des cubes de thé vert pour aller avec un smoothie vert. Donc, il y a plein de solutions et d'idées comme ça dans l'article sur assemblagerequis.com. Tellement d'idées, tellement de saveurs. Hey, tu me donnes tellement d'idées, là, je pense sérieusement que je vais l'essayer. Fait que c'est le premier conseil qu'on prend au sérieux aujourd'hui. Ouais, c'est le premier. Ça, puis de mettre le take-out dans le four à micro-ondes. Moi, je trouve ça bien. Là. Ben oui. Ensuite, on nous parle de faire de la substitution à la place de se priver de choses pour être un petit peu plus pas cheap, là, parce qu'on n'aime pas les gens cheap, là, mais on aime les gens qui savent bien dépenser leur argent, peut-être. Ouais. Donc, rien ne peut tuer ta motivation pour économiser qu'avoir l'impression de te priver de quelque chose. Ça, c'est vrai. À date, on se comprend là-dessus. Donc, à la place de te forcer à t'abstenir à quelque chose, substitue avec quelque chose d'autre. Une habitude coûte moins cher. C'est le blog de finances personnelles de Simple Dollar qui nous explique qu'acheter une version moins chère, une version plus cheap de quelque chose, te donne l'impression de quand même avoir profité un peu de ta vie. Donc, à la place d'acheter les grandes marques, peut-être acheter la marque du magasin. À la place de prendre un gadget neuf, peut-être acheter usagé temporairement pendant que tu économises ton argent. Peut-être que tu pourrais économiser le reste de l'argent du produit. Si, mettons, il y a une valeur double ou la moitié, mettons, le gadget coûte la moitié usagé. Ouais, tu mets l'autre moitié sur ton économie. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens. Ça fait beaucoup de sens. Ben ouais. Donc, si on essaie d'économiser de l'argent, ça pourrait valoir la peine. Et finalement, tiens, pour ceux qui se l'ont demandé, le nouvel iPhone sort vendredi prochain, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus. Oui, mon Dieu, t'arrêtais pas d'avoir des notifications pendant l'émission. C'est ça, je pensais que tu disais, t'arrêtais pas d'avoir des nausées, comme ça, t'as tellement hâte. le haut du cœur à chaque fois. Ton étui d'iPhone 6 et iPhone 6 Plus va fonctionner sur le 6S et le 6S Plus. La plupart des cases, en fait, ceux d'Apple vont fonctionner. On se pose toujours la question à chaque génération, entre le 5 et le 5S, le 6 et le 6S, etc. Et voilà, ils ont tous été nommés. C'est comme le SSQ, SSQ. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Apple confirme que ces études vont fonctionner. Il y a plusieurs autres marques qui ont annoncé sur leur site web que ça fonctionnerait. Les produits Spec, entre autres, vont fonctionner d'une génération à l'autre parce qu'il est un petit peu plus épais. C'est pas le même matériau utilisé pour le contour, le pourtour et le derrière. Donc, un petit peu plus épais, un petit peu plus haut, un petit peu plus large. Et les étuis fonctionnent, mais c'est comme 0,1 mm, quelque chose comme ça. Donc, ça devrait fonctionner pour la plupart des compagnies. Mm-hmm. Mathieu, en parlant d'iPhone, est-ce que tu as fait la nouvelle mise à jour iOS 9? Ben, en fait, j'étais sur la bêta d'iOS 9 depuis le mois de juillet. Et hier, j'ai vérifié parce qu'on m'avait dit que même ceux qui étaient sur la bêta publique allaient quand même recevoir la mise à jour et je ne l'ai toujours pas reçue. Ah, je suis en train de la faire immédiatement. Est-ce que tu as assez de batterie pour ça? Ben, il était plein. OK. Parce que des fois, c'est long. Mais ça a pris exactement 10 minutes. Ah, c'est pas si pire. Puis là, ben évidemment, il est éteint là, parce qu'il est en train de faire l'update. Tu vas voir qu'en général, mettons, en côté apparence, il se passe pas grand-chose de nouveau. Là. Mais, non, mais ça a l'air qu'il ajoute beaucoup de choses puis oui. que ta batterie va durer plus longtemps. C'est ce qu'ils disent. J'avoue On va voir si ça va être vrai. J'avoue que j'ai eu rarement à brancher mon téléphone le soir de ces temps-ci. Et tu sais, je l'allume, je le débranche à 6h30. Peut-être pas autant que toi à 5h30, mais... On va voir ce que ça va donner. On va voir. Ça download présentement sur mon téléphone. Je vous en donnerai des nouvelles d'ici la fin de l'émission. OK, parfait. Si c'est fait. Cool. Mais nous, pour l'instant, c'était les instructions d'assemblage. Une chronique qui, des fois, c'est ça, a des conseils plus ou moins pertinents et d'autres fois plus... ça dépend de la fois. Au retour, on va continuer avec quelques gadgets. Là, ça, c'est que de la pertinence. Ça existe, ça ne devrait pas. Là, au retour, restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 17 septembre 2015. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans quelques instants, on va s'acheter des gadgets sur Internet tous ensemble après avoir été sages pendant les instructions d'assemblage tantôt. Là, on va vraiment être frivole. Ah oui. J'ai hâte de voir ce qu'on présente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit pour le mot frugal en français? Tu sais, genre quand tu t'es pas cheap, mais tu sais que tu dépenses ton argent correctement, consciencieusement. C'est quoi frugal en français? Hein? Bonne question, hein? Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est une très bonne question. On cherche la réponse pendant qu'on écoute une chanson du côté francophone, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Rosie Vallant et Olympe. T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager quand tu nous vois oublier tout ce que l'on a de gagné? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand tu nous vois oublier ton nom sur l'échafaud? Quand tu nous vois oublier ton nom? C'était Rosie Valant. Et la pièce Olympe sur l'album Partir avant. Nouvelle entrée en 20e place du palmarès francophone de Sifu. Vous êtes à Assemblage requis. Et une fois par semaine, au moins, on aime ça dépenser de l'argent. On n'a pas de case horaire réservée pour dépenser de l'argent parce que pourquoi voudrais-tu avoir un budget, t'sais? Non, c'est bien plus fun quand t'en as pas. Tiens, dépense, puis après ça, on s'arrange. On s'en reparlera après. C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique dans laquelle on appuie sur le bouton « Buy it now » à chaque fois. « Buy it now ». Mets ça sur la carte. On devrait avoir un buzzer qui crie ça. Ce serait parfait, ça. Ah, Amazon a son « dash button ». Tu sais, Amazon, tu peux commander, mettons, des serviettes humides ou du café, genre, avec un bouton. T'as pas vu ça, là, quelques mois? On pourrait avoir la même chose, mais pour commander... C'est pas une grande fervente d'Amazon. Ne me lapide pas. Non, ça va, ça va. Je sais que t'es tout le temps là-dessus, mais... Ben, c'est mieux de pas trop l'être, parce que ouais, sinon... Ouais, c'est ça. Tu te ramasses dans mon état, là. C'est vrai. Donc, commençons avec le Fly Fry, qui est un multi-outil, mais en zipper. Oui. Ah ouais, en zipper de veste, en zipper de peu importe, là, pas de jeans, par contre. Donc, c'est présentement une campagne sur Kickstarter qui a déjà reçu son budget demandé. Donc, 25$ pour en acheter un. Ça va être envoyé au mois de novembre. Parmi les fonctions de ce Fly Pry, qui est en forme de zip, vraiment, on peut l'utiliser comme zip, il y a une ouvre-bouteille, un truc pour lever les pull tabs sur les canettes, là, tu sais. Parce que ceux qui ont des ongles, qui veulent pas se les casser, ils peuvent utiliser ça. C'est ce qu'il fait. Si on veut. Ouais, il fait comment? Il y a aussi un ouvre-canne de soupe, mettons. Il y a un scraper pour gratter quelque chose sur une vitre, par exemple. Un hex bit adapter pour ouvrir certains produits qui ont un hex bit, là, une bit de tournevis, mais qui n'est pas standard. T'as un ouvre-boîte. T'as un... c'est rendu tellement compliqué. Un hook screwdriver, j'ai aucune idée. Un hook screw, qu'est-ce que c'est ça? Mais quand même, ça ouvre absolument tout ce que tu pourrais vouloir ouvrir. Il y a une petite vidéo Kickstarter pour ceux qui se demandaient si ça pouvait bien performer toutes ces fonctionnalités, ces fonctions. Est-ce que tu la regardes un petit peu? Oui, je le regarde justement. C'est ça que j'étais en train de faire. Puis j'étais aussi en train de regarder les commentaires. Puis tout le monde est comme outré que ça se vende 25$ et non 2,50$. Ouais, mais les gens s'attendent à un produit fait en Chine. Ça, c'est un produit qui n'existait pas. Puis quelqu'un qui l'a créé. Ça a l'air solide, là. C'est ça. Puis ça fonctionne comme zip aussi. Tu sais, tu peux pas avoir un produit manufacturé aux États-Unis. Probablement. D'habitude, sur Kickstarter, les gens font souvent produire le produit en Chine aussi. En Asie. Oui, aussi. Oui. Mais il y a l'idée que c'est un nouveau produit. Tu peux pas t'attendre à 2,50. C'est sûr. Ah, les gars. Puis, tu sais, comme on a vu sur Kickstarter, les gens voulaient ça parce qu'ils ont payé le montant total. Tu t'attends à quelque chose, à un certain rendement. Vas-y. Presque 29 000 $ en tout qu'ils ont ramassé. C'est fait en titane. Fabriqué aux États-Unis, c'est précisé. Fabriqué aux États-Unis. Ça a l'air très solide. Et à peine plus grand qu'un 25 cents. Le gars, il ouvre une canne de thon avec. Oui, c'est quand même cool. En tout cas, et justement, ils ont eu une mise à jour le 16 septembre sur leur Kickstarter, donc n'hésitez pas à aller les encourager. Ensuite, la Grava Action Camera qui va automatiquement éditer, faire le montage de vos vidéos. Plus besoin de vous engager quelqu'un. Ouais. Ça, c'est intelligent. Donc, quelqu'un qui vient d'acheter une GoPro, par exemple, tu vas filmer pendant plusieurs heures et là, après ça, il faut que tu fasses le montage. Là. Ça peut être difficile de trouver de bons moments si t'as pas pris de notes pendant ta capture. Un peu comme à Assemblage Rocky, quand je prends pas de notes pour les meilleurs moments, c'est dur à trouver après ça. Ah, je sais pas, c'est pas moi qui fais le montage. C'est ça. Fait que je me force et je mets des petits timestamps à côté de mes affaires. Donc, Grava va essayer d'éliminer le problème en offrant d'automatiquement couper vos vidéos pour faire des meilleurs moments. Comme plusieurs caméras d'action, donc caméras sportives, la Grava est durable, légère et vient avec plusieurs mounts. Donc pour monter ça, par exemple, sur un casque de moto, ça va capturer de la vidéo en 1080p à 30 images secondes et 720p à 60 images secondes. Ça peut faire des timelapses en 4K, ça c'est Ultra HD, et des photos en 8 mégapixels. Ce qui rend le Grava unique, donc c'est sa capacité à détecter les événements importants pendant l'enregistrement. Ça fait ça en utilisant un algorithme et une variété de sensors pour surveiller le son, la lumière, le mouvement et plus. Ça peut même être lié, donc accouplé à une Samsung Gear ou une Apple Watch. Ça, c'est les montres intelligentes pour détecter les changements dans votre battement de cœur. Quand vous trouvez quelque chose intéressant, ça ressent votre battement de cœur et ça capture, ça garde ce moment-là. C'est bon, ça, mais... Ça, c'est brillant. C'est quand même pas tant cher, hein? Tu sais, comme si tu compares ça à la GoPro, là. Oui, exact. 250$ US. Parce que c'est la caméra et l'ensemble de montage. Là. C'est vraiment tout inclus, ce truc-là. On peut utiliser une application mobile pour spécifier combien de temps vous voulez donner à votre vidéo finale. Et on place Grava sur son dock de chargement, donc sa petite base, son socle. Et ensuite, on lui dit de sauvegarder et d'éditer la vidéo. Puis regardez une petite vidéo éditée par Grava sur assemblagerequis.com. C'est pas parfait, ça peut être un petit peu coupé sec par moment. Mais ça vient avec un programme de montage pour améliorer le montage. Une fois qu'il est fait, vous pouvez l'améliorer un petit peu pour les ordinateurs de bureau. Et comme tu l'as dit, 250$, le site web est getgrava.com. Cool, hein? Très cool. Quand t'es au bureau, Tania, tu peux pas vraiment faire de sieste. T'as vu, chez y a une compagnie de journaux au niveau provincial, je crois, qui encourage, on a vu passer sur les réseaux sociaux récemment. De faire des siestes? De faire des siestes de 15 minutes, de fermer la lumière, les iPads et ordinateurs et te coucher sur le bureau, la tête sur le bureau et dormir. Mais on faisait ça au primaire, tu faisais pas ça, toi? Non, je faisais, je me rappelle, peut-être. Hein? T'avais pas des siestes au primaire, tu sais, comme exemple, en deuxième année? J'ai un blackout de ma jeunesse, tu sais, là, ton professeur, il éteignait les lumières. Il éteignait les lumières. OK. Je pense tu devais te coucher. Elle nous mime ça en ce moment qu'elle est sur le pupitre. OK. Puis tu n'avais pas le droit de regarder autour. Est-ce que tu ronfles quand tu fais une sieste? Non. Non. Trop bonne pour ça, toi. Mais c'était le moment favori de la journée à l'école primaire. Waouh! Mais non, de nos jours, ça serait mal vu, peut-être. Les gens qui passeraient à ton bureau se diraient: mais voyons, elle ne travaille pas, cette Tania? Peut-être, oui. Avec les lumières éteignes? Et... mais j'avoue que la chaise est vraiment cool. Ben, c'est une chaise voleuse de punch. Excusez. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une chaise sur laquelle tu peux vraiment te coucher. C'est la Reclining Office Chair. Hein, c'est la compagnie Tenco qui va annoncer la Desk Chair for Sleepy Workers, le vrai nom. Non, c'est une chaise de bureau qui se couche un peu comme un siège dans une voiture pour pouvoir vraiment faire une sieste. C'est parfait, hein? C'est un luxe. C'est vraiment parfait. C'est vraiment un luxe, mais quand même, ça coûte 241 bidous. Et tu vois quand même un repose-pied... peux vraiment, c'est sûr que là, les accotoirs, accoudoirs, trucs pour accoter tes bras, sont un petit peu dans les jambes, je trouve, pour dormir. Il va falloir que tu tiennes les poignets ou encore que tu te mettes les mains sur le ventre pour dormir. Et moi, je dors pas sur le dos, je suis pas capable. En plus, j'ai jamais réussi à dormir sur le dos, peu importe comment j'ai essayé. Je dors sur le côté. Ouais, c'est sûr que cette chaise-là t'aiderait pas. T'as l'air dégoûté, hein? Tu dors sur le côté. Quoi? 241$, je l'ai dit. Ensuite. Après s'être couché au bureau, peut-être as-tu besoin d'une douche, hein? Mais peut-être. Tu ne peux pas passer trop de temps dans la douche. Donc, c'est un rideau de douche à tic qui va t'empêcher de prendre une trop longue douche. C'est la designer Elizabeth Bucher qui nous amène Spiky. Donc, c'est un rideau de douche avec des pics gonflables qui sont activés lorsque l'eau fonctionne depuis plus de 4 minutes. 4 minutes! C'est pas beaucoup, là. Hey, je dois prendre 20 minutes de douche, mais ça va pas l'air. Donc, ça va pousser les personnes qui sont dans la douche à l'extérieur de la douche, évidemment, en faisant sortir les pics. Ça va empêcher la consommation d'eau excessive. Du génie, là. Hein? Du génie. 4 minutes, par contre, pas sûr. Moi non plus. Y a-tu un timer dessus? Non. Peux-tu setter le... Non, ça devrait vraiment être paramétrable, ça. On n'est pas les seuls à penser qu'il devrait y avoir une minuterie ajustable. Exactement. Et je vois pas de prix. Donc, c'est la designer qui a fait ça. Je sais pas si c'est un produit qu'on peut se procurer parce qu'il n'y a pas de lien. Mais il y a beaucoup de photos de filles qui l'essayent. Il y en a une qui a l'air à beaucoup trop triper. Ouais. Un petit peu trop. T'as juste 4 minutes, là. Chacun son genre de truc. En tout cas. Ah. Ensuite, c'est une imprimante 3D. En fait, c'est pas une imprimante 3D. C'est quelque chose d'imprimé par une imprimante 3D. C'est le Bubble Bucket qui va souffler 14 000 bulles par minute. Hein? Une utilisation très, très révolutionnaire d'une imprimante 3D pour cette Bubble Machine appelée la Bubble Bucket. C'est le designer Scratch Hacks qui a expliqué son inspiration pour au site 3D Print. Donc, l'idée avait deux origines. La première était que ses enfants voulaient vraiment... ses enfants et lui, en fait, voulaient avoir une machine à bulles pour jouer lorsque la météo était bonne dehors. Et la deuxième raison, c'était sa femme qui travaillait avec des besoins particuliers. Des enfants avec des problèmes... donc, ils ont besoin de plus d'attention. Et ils voulaient utiliser donc une machine à bulles. Et ils ont réussi à créer ça en utilisant une chaîne de motocyclettes. Il a monté cette baguette imprimée en 3D verticalement dans un seau. Et avec la moitié du bas qui est submergée dans une solution avec des bulles. Donc, quand la chaîne tourne, les baguettes sont tartinées de cette solution. Et ensuite, un ventilateur est utilisé pour créer une avalanche, un ouragan, une tempest bloodsaw. De bubules. De bubules. Hey, t'imagines le fun que tu dois avoir étant un enfant. En regardant la vidéo, j'ai déjà du plaisir à la regarder. C'est magnifique. Hey, par minute, ça fait de la bulle. Mais je suis pas certaine que ça se rend vraiment loin comme bulle. Ça a plus l'air d'éclater sur le moment. Je trouve pas que ça tourne trop vite un peu la chaîne. Ouais, je pense que oui. Ah, mais là, il tourne la caméra, puis ça... Ça va loin, ça va loin. Ça va loin, ouais. Quand même. Ah, évidemment, c'est quelque chose que vous allez devoir créer par vous-même. Quelle invention. Quelle invention. Voilà. Ensuite, c'est le Density People Counter. Une nouvelle compagnie nommée Density qui nous a créé un produit, un système en temps réel pour savoir si une place est pleine de monde. Tu sais, quand tu arrives à la chasse-galerie et que justement, il y a trop de monde, tu reviens de bord, tu viens de perdre un bon 45 secondes, une minute environ de ta journée. Donc, c'est un sensor et une application mobile. Le sensor de Density peut simplement détecter lorsque quelqu'un passe devant et les données peuvent être utilisées de plusieurs façons. Et la plus simple est une application qui peut alerter les clients si leur place préférée est occupée de Density, bien sûr, a beaucoup de gens dedans ou pas. Donc, on pourrait faire la même chose avec une caméra, mais Density est moins cher et protège l'identité des gens. Ah, c'est ça. Faut que la place en question ait un autre Density. C'est exact. Où on peut installer Density à leur insu à une place cachée, mais on ne le recommanderait pas, bien sûr. Donc, une fonction de base qui va être appréciée par ceux qui ne veulent pas avoir à affronter de grandes foules le matin, peu importe quand. Avec un petit peu de créativité, on peut l'utiliser pour plusieurs autres choses. Par exemple, l'application Requested qui utilise Density pour automatiquement activer un rabais si la business va pas bien. Par exemple, mettons un restaurant, un peu comme les machines à liqueur aux États-Unis qu'on avait mentionné à un moment donné, qui chargeaient plus cher lorsqu'il faisait plus chaud. Là, tu pourrais charger moins cher s'il y a moins de gens. Donc pour qu'il y ait plus de gens qui viennent. Ouais, c'est une bonne idée. J'adore ça. Donc, Density offre présentement aux entreprises un abonnement à 25$ par mois américain sur sa plateforme. Density pour les business. Ensuite, on a parlé de douche tantôt et de façon de sortir de la douche plus rapidement. Et bien maintenant, on peut prendre son bain à peu près n'importe quand avec un bain gonflable. Hein, un bain gonflable. On a eu le spa gonflable l'autre jour. Il était, c'était un Amax Spa. Ah oui, c'est ça, l'Amax Spa. Mais quand même, Spa Mac. Hey, mais c'est hot, là. Oui, oui, on pourrait en avoir un dans le bureau, là. Prendre son bain n'importe où en maillot de bain, hein, et travailler en même temps. Ah, mais la fille est habillée. La fille est habillée, mais peut-être pas du bas, ça. Ah! Elle voulait avoir l'air d'une femme d'affaires quand même. C'est ça. C'est ça l'affaire. Donc, c'est ça. Vous savez que vous en voulez un, c'est parce que je vous en parle. Ça s'appelle le In-Time Inflatable Bathtub. C'est pas juste un bain gonflable, il y a aussi une grande surface de travail. Comme on voit sur le dessus, il y a une toile pour te cacher des yeux des autres. Des voyeurs. Voilà. Et tu peux placer ton portable et il y a même une place pour mettre ton verre. Hein? Donc, fais comme chez toi, relax. Ça n'a pas l'air super, super grand assez pour même mettre de l'eau dedans. Mais on dirait vraiment que c'est comme un matelas de piscine. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Moi, je sais pas si je me risquerais à mettre de l'eau dedans. Quand même. Et tu le vides comment? Je sais. Il a l'air d'avoir un petit bouchon en dessous. Non, mais tu peux pas vider ça dans ton bureau, là? Non. Je pense pas que ce soit quelque chose que tu mets de l'eau dedans. C'est pour les gens qui échappaient leur laptop dans le bain. Peut-être. 180$. As-tu vu 180$ américains? C'est cher. Pour ceux qui échappaient leur portable, où? Dans le bain. Dans le bain? Oh, mais là, c'est pas une alternative à un bain, il n'y a même pas d'eau. Mais c'est pour ceux qui ont la tablette. Pour faire comme si? Mm-hmm. C'est n'importe quoi. Mm-hmm. C'est n'importe quoi. J'en veux plus. Moi non plus, ben trop cher. Ah, toi qui aimes les foulards, t'aimes être bien, comment dire... T'aimes le bling-bling, tu sais. Le bling-bling. T'aimes ne pas juste être habillé, t'aimes ça te décorer un peu, tu sais, comme... collier, bracelet, bague. En fait, t'as aucune bague, t'as aucun bracelet, t'as aucun collier. T'as un collier, par contre. Ah oui, j'ai deux bagues à chaque jour. J'ai la même pas vu. J'ai le même collier à chaque jour. Et j'ai des boucles d'oreilles à chaque jour. Ah, je regardais pas là. Donc, maintenant, tu peux porter un bracelet et boire ton alcool quand tu veux. Oui! Oui! En effet. Hein. Donc, ajoutez un petit peu de spiritueux à votre habit, hein, littéralement. Un petit peu d'esprit, de spiritueux. On comprend le jeu de mots ici. Donc, avec un bracelet flasque, pour 40$, c'est en céramique. Ça va contenir quelques onces de votre alcool préféré tout en ayant l'air complètement à la mode avec un bleu pastel. J'ai eu une réaction assez, assez prenante. Excusez-moi le bruit, mais j'ai vu le prix. Hein? Ça coûte? 40$. C'est de la céramique. Est un bouchon de liège pour tenir ton alcool. Mais oui, mais là... Tu portes une montre qui est pas mal plus chère que 40$. Oui, mais c'était un cadeau. OK, ouais, c'est vrai. J'avais vraiment pas remarqué ta montre, ni ton collier, ni tes bagues à ma main. C'est correct. On découvre de nouvelles choses à chaque jour. C'est ça, en tout cas. Ensuite, tiens, on reste... est-ce qu'on reste? Non, on ne reste pas. J'ai bu de l'alcool, je me suis dit qu'on restait dans l'alcool. Mais non, c'est une machine qui change... ouais, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est une machine qui change votre nourriture en petits pois à manger. C'est l'Imperial Spherificator. C'est comme si ça faisait du caviar. Ça fait du caviar, genre, c'est des petites boules sphériques. Donc, l'Imperial Spherificator, un appareil qui utilise de la gastronomie moléculaire pour changer à peu près n'importe quelle nourriture en petites sphères. Oui, un petit peu comme du caviar, comme tu l'as dit. Une petite boule. C'est des petites boules mangeables. Présentement, en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. Donc, si vous voulez le vôtre, visitez la page sur assemblagerequis.com. Dans ce coin de 100$, les prix montent après ça. Hey, mais c'est cool! Vraiment, hein? Tu sais, parce que là, on va vous le mettre sur le site internet d'Assemblage Reiki, mais sur le site, il y a des photos, puis il montre qu'avec une huître, c'est une huître, hein? Oui, avec une huître, tu peux faire des petites boules de tabasco au lieu de mettre ton tabasco directement. C'est bien plus cute. Tellement une bonne idée. Ils ont fait ici des perles de menthe fraîche et de la liqueur de café en petites boules aussi. Donc, pour mettre sur un dessert, par exemple, tu pourras avoir du caviar de café sur ton pudding à la vanille ou peu importe, sur de la crème glacée. Quelle merveilleuse idée. Ça fait classe, t'as l'impression d'être dans un restaurant 5 étoiles. Fancy, exactement. Ah, j'aime ça, j'en veux un. Ah, tellement. Ensuite, mais c'est le fun, la cuisine moléculaire. Oui, oui, on devrait en parler avec notre amie Justine Renaud un jour dans une future chronique. Oui. Justine Pertine. Les QR Cups Truth or Dare Edition, est-ce que t'aimes les verres rouges, tu sais, pour jouer à... le truc de balle de ping-pong. Beer pong. Donc, ou jouer à spin la bouteille, ou je sais pas comment ça. Donc, spin la bouteille. Ouais, la personne même, toi. C'est pas jouer à bouteille. Ouais, genre. Donc, les QR Cups, c'est des verres rouges normaux de 18 onces, ouais, mais modernes parce qu'ils ont un code QR et une application compagnon sur téléphone intelligent. Donc, chacun des 25 verres a un code QR qui révèle une question risquée ou encore une activité risquée lorsque scanné. Hein? Ah, mais c'est cool. C'est une bonne idée. On peut commander les QR Cups Truth or Dare Edition sur Amazon. Je sais que t'aimes pas ça, là, mais quand même, pour 10$ américains. La compagnie travaille aussi sur d'autres variantes, par exemple des faits divers de films, du movie trivia ou encore le Bro Code. Ah, ben oui. Hey, je trouve ça vraiment cool, par exemple. Très bien. Ensuite, c'est Znaps, un connecteur magnétique pour téléphone intelligent qui va faire que le chargement va être plus facile. À travers les années, vous avez peut-être essayé plusieurs modèles iPhone et Android, plusieurs avec le connecteur Lightning pour le iPhone, c'est facile à connecter. On branche toujours du côté des Android le port micro USB du mauvais côté et on endommage le fil. Hein, c'est pas bon pour votre fil et votre téléphone. Un nouveau produit qui vient d'arriver sur Kickstarter s'appelle le Znaps, qui va donner à votre téléphone intelligent la technologie un peu d'un MacBook. Les anciens, ouais, MacBook, où le fil était magnétique. Ils font plus ça maintenant, mais quand même... Ah, pour vrai, c'est plus magnétique? C'est plus magnétique. C'est rendu un port USB type C sur les nouveaux MacBooks. Ah! Donc, une fois installé, vous n'aurez jamais à enlever l'adaptateur de votre téléphone et ça va être assez petit pour vous permettre d'utiliser votre étui quand même. Donc, l'autre section de l'adaptateur Snaps va se connecter à votre fil de chargement habituel. Et cette section-là va être connectée magnétiquement à la portion qui est dans votre téléphone. Donc, résultat, c'est un genre de MagSafe pour iOS et Android. Je trouve ça absolument parfait comme produit. Et ça ne coûte que 9$ sur Kickstarter. C'est ça, je m'en ai dit. J'étais comme, oh my God, c'est pas cher. Vraiment pas pour ce que ça fait, là. Vraiment très bien. Tu sais, tu te lèves le matin puis tu fais juste tirer sur ton téléphone pour le déconnecter. Tirer sur le fil. Et ça, on aime ça. Ça, c'est le genre de gadget qui nous allume. Ça me titille pas mal, ouais, tout ça. Ensuite, c'est un projet Kickstarter pour les jeux vidéo, les fans de jeux vidéo. C'est un adaptateur pour la télé HD pour votre vieille Mega Drive Super Nintendo Turbo Graphics 16, les vieilles consoles rétro. Si vous cherchez une solution pour jouer sur votre télé moderne à vos jeux vidéo rétro préférés, c'est le Retro Clarity sur Kickstarter qui ramasse l'argent pour un adaptateur donc sans lag, donc il n'y a pas de délai. Ce que tu as tendance à avoir sur des télés récentes avec vos vieilles consoles de jeux vidéo. Ça vient en trois formats différents. Un qui va pouvoir connecter deux systèmes en même temps. Une qui va pouvoir aller jusqu'à trois systèmes. Une jusqu'à trois avec un connecteur spécial pour brancher l'arrière du port expansion d'une TurboGrafx 16. C'est un petit peu plus niche comme console. Donc le Retro Clarity qui promet du format d'image 240p en NTSC et même le format PAL à 288 pour les consoles européennes. C'est facile à brancher, c'est plug and play. Ça fonctionne directement lorsque sorti de la boîte. Et ça va être compatible, comme je disais, avec toutes ces consoles-là, même le Nintendo 64. Et puis, ça a été modifié pour pouvoir envoyer un signal RGB à une télé qui, d'habitude, prendrait du HDMI, si je comprends bien. Je suis pas super connaisseur de trucs vidéo, comme on peut voir ici. Voilà, donc le Retro Clarity qui espère avancer 27 000 $. On demande 65 $ pour un kit de base, 110 $ pour le modèle avancé. Je suis allé voir s'ils sont rendus à leur but. Ils ont pas réussi. Oh non! Je m'excuse, je garde des liens depuis le début de l'été. Ils ont pas réussi à gagner leur 27 000. Ils sont rendus à 5488. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais bon, peut-être que ça reviendra un jour. Désolé. Ensuite, c'est le Everbright. Tu te rappelles les Lightbright? Mm-hmm. Les jouets où on pluguait des petits bâtonnets de plastique. C'était le fun. Je suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui savent ce que c'est. Le rétro des années 90 est tellement à la mode que le carnaval l'année passée avait un thème des trucs des années 90. D'après moi, ah ouais? 80-90, même si les gens n'étaient pas nécessairement là, ça marche pareil dans la tête du monde. Je sais pas. Ah, peut-être. Je suis pas sûr. Peut-être leurs parents avaient ça et leur ont donné quelque chose de genre. Mais bref, donc Lightbright, c'est des petits morceaux de plastique qu'on mettait dans des feuilles de papier, là, de carton noir, et puis ça éclairait de différentes couleurs. C'était tellement cool, tu peux faire plein d'affaires. Donc Everbright pour adultes. Oh. Oui, format pour adultes, 4 pieds de haut. OK. Par 8 pieds de large. Oui. C'est 42 fois plus gros qu'un Lightbright. C'est quand même très cool. Tu peux t'en faire un... Un méga. Un tableau. Un tableau t'sais, d'art ouais, dans le salon. Oui, c'est ça. Tu peux l'afficher quelque part. Tellement. Si t'es geek. Vraiment, ben c'est... Mathieu. C'est pour moi. Donc, toi, tu fais juste semblant que t'es une autre pareille. Donc, 464 petites pinouches. Chacun va produire chaque couleur de l'arc-en-ciel. Et ça vous encourage à... il encourage à mettre ça au bureau, par exemple. À aider les gens créatifs à resetter leur cerveau. Des distractions, des réunions et des téléphones cellulaires et autres affaires. Revenir en enfance un peu. Et ça inclut trois animations. Ça se passe en appuyant sur un bouton. Et c'est aussi disponible en format plus petit avec 232 petits trucs. Donc là, ce que j'ai l'air d'en voir sur le lien sur assemblagerequis.com, mm-hmm. c'est que c'est pas des pinouches en tant que telles, hein? Non, ça a comme pas l'air d'être des pinouches. C'est plus comme des écrans, genre. Je sais pas s'il faut que tu le programmes. On va regarder la petite vidéo, attention. Le gars tourne les petits boutons. Mm-hmm. Et ça change de couleur. Et après ça, il y a une animation qui... c'est comme un écran, en fond. Et tout ce que tu as décidé de dessiner avec tes boutons va pouvoir glisser. Et passer d'une forme à l'autre, transitionner de gauche à droite, de haut en bas. Donc lui, il a fait une petite structure, mettons, en vague. Puis la vague passe à l'écran de façon infinie. C'est vraiment beau. J'aime ça. Mais c'est pas comme le Lightbright. C'est pas comme le Lightbright, mais le résultat est très, très similaire. OK. Maintenant. C'est correct. Dans ce cas, on accepte. Moi, j'accepte. Puis j'aime la petite chanson. J'en ouais, en plus, ça, c'est génial. On va devoir arrêter là-dessus pour cette demi-heure-ci. On en fera une autre portion plus tard. Je crois qu'on a le temps à l'émission d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, on se quitte ici et on revient avec, entre autres, une grosse pointe à adresse dans quelques instants. Oui! Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Fais-le. OK, je l'ai fait, attends. Vous êtes de retour à Assemblage Requis au 89.1 FM. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Ah! C'était notre chat préféré, c'est ça? Oui, Tom. C'est Talking Tom. C'est en fait, j'ai réussi à faire le téléchargement d'iOS 9 et quand on swipe vers la droite pour revenir au menu principal, en fait, ça nous montre nos applications les plus populaires sur notre téléphone et apparemment, mon application la plus populaire, c'était Talking Tom. Alors, j'ai dit à Mathieu quand on était hors onde que je devrais revenir avec Talking Tom et c'est ce qu'on a fait. C'est pas mal ça qu'on a fait, je veux dire. Avant de continuer avec une grosse pointe à l'adresse, on va retourner du côté anglophone dans le palmarès entendre une pièce de Ratatat. Voici Abrasive, comme la voix de ce chat. Abrasive. Assemblage requis, jusqu'à 9h30. Abrasive. Abrasive. Tu vas l'avoir, Mathieu, ouais, matin. C'est ça. De ratatata, assemblage requis. Colin, ça, c'était pas évident comme moi. Un mot qu'on n'utilise pas souvent, ça. Abrasive. Abrasive. Maintenant, tiens, ça sera pas abrasif dans la gorge. Ça va être doux, ça va bien descendre. Je sais pas si ça va être doux dans la gorge. Je sais pas ce que c'est. C'est une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, la grille dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit retrouvé soit en épicerie, en magasin, en dépanneur, quelque chose de cheap, quelque chose de pas compliqué, quelque chose qu'on devrait probablement pas manger si c'était parce qu'on se souciait de notre santé. Ouais, probablement. Mais clairement, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, cette semaine, en fait, c'est toi, Tania, qui a trouvé nos produits. Oui! On en a parlé un petit peu la semaine dernière et j'ai trouvé, en fait, deux sacs complètement différents. Et je sens l'excitation dans ton visage à savoir quand est-ce qu'on va y goûter. Mais c'est le bord de la bouche, les bars. Ouais, c'est ça. Hein? C'est les petits goldfish. La semaine dernière, on a parlé de ceux qui étaient au petit gâteau à la vanille, qui sont ici. Miam, ça. Oh. Ah, c'est pas le micro magique, on l'entend pas autant. Ah ben. Voilà, ça, c'est les petits gâteaux à la vanille. Okay. Mais ceux-ci vont venir après mon autre sac qui est ici, est-ce, juste à ma droite. Est-ce que t'es de la même, du même avis que moi que le salé va avant le sucré? Définitif. Ah, voilà, on se comprend bien. Alors, c'est pourquoi j'ai amené les Goldfish Explosion de saveur, Explosion de pizza. Aïe, aïe. Shit the morn, ça va être bon. Et là, ça dit quand même cuit au four avec du véritable fromage. Okay. Aucun arôme artificiel. Oh, c'est pas à la fausse saveur de pizza, là. Mais on s'entend, là, c'est ça, là, c'est à la pizza. Alors, okay. Ça devrait goûter la pizza. Je me demande si c'est un petit peu piquant. Hein? Est-ce que c'est tomateux, on sait pas, fromager, probablement pepperoni un peu? Tout à l'heure, avant l'émission, on lisait un peu le contenu du sac. Ouais. Et en fait, sur le côté, on a trouvé quelque chose de vraiment bizarre. Je sais pas si c'est dédié aux enfants ou quoi que ce soit, mais sur le sac de Goldfish à la pizza, il y a une photo d'un petit poisson. Ah oui! Qui s'appelle Extrême. Extrême, yo! Et je crois en fait qu'il nous présente un des petits poissons qu'on s'apprête à manger. C'est sa biographie! Mais je pense que oui! Wow. C'est marqué citation préférée, ça roule! Puis. Ah, c'est pas extrême comme expression, hein? Ça! Puis ses accomplissements, eh bien, ça a l'air que c'est le poisson qui a le plus de visites à l'infirmerie. C'est le gagnant de la bourse pour le camp d'entraînement des apprentis cascadeurs et c'est le capitaine de l'équipe de roller derby. Ah! C'est quoi ça? Ben voyons donc, qui est le créatif qui a dû écrire cet emballage? Je sais pas, mais sérieusement, il devait se faire tout un trip. Vraiment? Est-ce qu'on a la même chose du côté du gâteau à la vanille? Parce qu'en tant que tel, si celui à pizza est extrême, l'autre doit être chill en maudit. Ça te dit juste, évidemment, ne pas acheter si le sac est ouvert ou déchiré. Ah ok, ça te le dit pas de façon dit extrême? Ça dit, essayez les Goldfish Grahams Brownies au chocolat. T'as pas acheté ça? Malheureusement, non. Okay. Alors, on va continuer l'emballage de la pizza avant de passer à la vanille. Mais c'est tout ce que contient l'emballage, je t'avouerais. Rien d'autre. Pas de code barre, rien de date limite avant péremption. Je cherche. Ah! D'après moi, c'est parce que c'est en lien avec l'étiquette, la compagnie Campbell. C'est marqué des étiquettes pour l'éducation. Alors, oh, wow. C'est peut-être pour ça le petit poisson qui est extrême. Qui a l'air cool. Ah, il porte des lunettes de soleil, hein? Et on voit le soleil dans ses lunettes. C'est bien que tu montres ça derrière l'écran, je peux pas le voir. Caméra 3, s'il te plaît, merci. Voilà. C'est, mais, elle et la radio, là. Elle connaît pas même ça, la radio, là, Tania, avec les caméras, là. Puis ça dit quand même sur l'emballage, la collation forte en sensation. Forte en sensation. Pas forte en bienfait pour votre santé. Non. En sensation. Sensation. Et explosion de saveur. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Ben oui, ça te dit que ça va exploser dans ta bouche. Fait que ben explosion dans le micro magique. Hein? OK. Je vais faire du mieux que je peux. Boy, ça explose le sac, ça. Elle se brosse le sac. On entend les goldfish, on aime ça. Les petits poissons qui patauchent dans le sac. Mon Dieu. Ça sent la pizza là-dedans. Oh yeah! Hey, c'est quand ils disent sensation forte et explosion de saveur, on pourrait ajouter au sac explosion d'odeur. Mais je suis pas sûre, moi, que c'est tout à fait naturel, cette affaire-là. Ça n'a pas l'air à ça. Hein? Tu sais, c'est marqué quand même aucun arôme artificiel. Je doute, mais ça sent quand même véritablement la vraie pizza, mettons. Tu sais, j'ai l'impression d'être chez Stratos. C'est ça. J'ai vu Danny Janvier passer tantôt, si vous venez nous rejoindre. Ouais, hey, et... Dan, c'est si jamais l'animateur de Dîner de con qui est à 11h du lundi au jeudi, si je ne m'abuse. On n'a pas de chroniqueur aujourd'hui, fait que les chaises sont toutes libres. Mais c'est ça, Dan, si tu veux venir goûter des goldfish avec nous autres. Moi, je te suggérais de prendre une des feuilles que j'ai déchirées tantôt et de m'en verser le copain, si ça te prend. Ben, je m'en allais tout simplement te dire, prends-toi-en donc une poignée. Ah, ça va mal aller, on n'a plus de corridor sécuritaire. Et voilà Dan concert. Qui nous rejoint pour goûter aux goldfish à pizza. Semblait. Par contre, tu peux pas parler dans le micro magique, t'as pas le droit. Il faut que tu parles dans l'autre micro à côté. Parfait. C'est ça, ce micro magique, il est pas fait pour parler aussi fort que ça, Danny. Ben, il est pour les choses magiques. C'est ça. C'est ça, comme le sac de goldfish au pizza. C'est pas magique. Danny est pas assez magique pour les micro magiques. Tu gagneras un jour ta chance de parler dans le micro magique. Peut-être. Bon, OK. Je m'en prends une poignée. OK. C'est bien ça? C'est génial. Attends, t'en as pas pris beaucoup? Vas-y, Dan, je te laisse. Ben, je me mets vis-à-vis du micro magique. Oui, pour le verser. Ah! Il y en a beaucoup. Ils ont tous tombé. J'ai une pointe de pizza au complet. J'espère pour Dan qui n'a pas déjeuné. Attends, 30 on attend pour goûter ou on goûte live on ensemble? Un à fois ensemble, OK? Okay. J'ai échappé un goldfish. Ensemble. Faut le sucer. On le suce? Vous connaissez ça? OK. Allons-y, go. Je me suce le poisson. Oh! Ça goûte la petite saveur des bretzels pizza, là. C'est vrai, ça goûte la sauce, surtout, je trouve. C'est juste la sauce. C'est vrai, il manque de fromage un peu là-dedans. Tu sais, une petite bretzel qu'il y a chez Bold Barn. Chez Bold Barn, ça goûte la même chose. Je pense que c'est la même recette, probablement. La petite épice. Probablement. Est-ce que tu penses que Campbell, dont on parlait tantôt, en rapport avec la pâte de tomate, genre Campbell, peut-être? Peut-être. Tu sais? Les petits pots, là, rouges, jaunes. Gattuso, je pense. Ouais, Gattuso, exact. Ouais. Peut-être. Le classique. Ça goûte quand même la pizza. Parce que c'est ça, ça goûte surtout la sauce. Ouais. C'est vrai. Un peu la sauce du bottin. Pour ceux qui connaissent la sauce du bottin, c'est quand même assez rough comme déjeuner, par contre. Ouais, mais c'est pour ça qu'on... Ah, mais attends, il y a ceux à vanille qui s'en viennent après. Non, pas un mélange vanille. C'est juste une fois par semaine avant. On l'a déjà fait plusieurs fois par semaine, puis ça tombe sur le cœur à un moment donné, la chronique. Hein. OK, le reste à poignée. Le reste à poignée, OK. C'est là, le monde sont tannés, j'entends manger. Ouais, c'est ça. Arrêtez de saper. Oh, mais là, on va parler comme ça. Pas du cœur, hein. Ah, mon Dieu. Nom, nom. Nous, on mangerait un sac, ce serait tout. Hein? Ouais. T'en fois. Mais j'aime mieux ça que les vrais goldfish, je te le dis. C'est vrai, les goldfish, c'est trop goûte sec. Goûte pas assez, ils goûtent à rien. Trop sec. Mm-hmm. C'est bon, mais il manque de saveur. Mm-hmm. Ça, ils en ont mis. Je suis la seule à trouver que quand tu prends la poignée au complet, ça goûte plus la pizza. Ben, ouais. C'est parce qu'il y en a plus dans ta bouche. Mais ça, c'est juste ça, en fait. C'est comme manger toute la pointe d'une shot. Ouais, c'est ça. Genre. Ça va goûter plus on la pizza. Que tu... hey, c'est peut-être pour ça que c'est marqué ça roule sur le côté. Tu sais, quand tu roules une pointe de pizza. Puis... T'as des sushis de pizza, toi. Ça doit être très santé. Non, très ben santé. Oui, écoute, c'est marqué cuit au four. Aucun produit. Zéro gras trans. Aucun arôme artificiel, puis aucun agent de conservation. C'est aucun arôme artificiel, ça veut dire qu'ils ont pris de la Gattuso, ils l'ont fait sécher, ils ont mis ça en poudre. Puis... Penses-tu que c'est ça qu'ils ont fait? Je pense que oui. Je pense que ça ressemble à ça. Ben, mort, ça sent, en tout cas. Si jamais vous êtes dans le coin des bureaux de C'est fou cet après-midi, il en reste pas mal. On doit dire que ça, c'est un sac en papier carton. Si on oui. Alors que celui des Vanilla Cupcake, petit gâteau à la vanille, est en... excuse-moi, le micro magique n'était pas actif. Il y a une formule pour ça. C'est mes mains qui font... Abracadabra. Donc, l'emballage est plus en genre de d'aluminium? Vinyle plastifié. Sac de chip un peu. Un peu. Ouais, sac de chip, je dirais comme ça. Plus ça fait roots, là. Plus le naturel. Ouais, les gars, old school. Plus c'est naturel. C'est recommandé par Adrien Gagnon, je pense. Carrément. Et puis, apparemment, que c'est fait ça, avec... Là, je lis exactement ce qui est écrit sur l'emballage, OK? Fait que s'il y a des fautes de français, c'est pas de ma faute. C'est marqué fait, F-A-I-T-S, avec du vrai extrait de vanille. Avec du vrai extrait de vanille. Techniquement, je pense que c'est... Un peu. Je pense que c'est techniquement correct, mais au parler, ça sonne creux pas mal, je trouve. Ça, ouais, pas mal. Fait avec du vrai extrait, ouais. Mm. Je pense que techniquement, ça se dit. Ouais. Je suis pas sûr. Prononce pas, je sais pas parler. Ça dit, essayez-moi dessus, donc oui. Clairement, t'avais pas le choix de l'acheter. Exactement. Puis j'ai comme le goût de l'ouvrir comme tout de suite. Mais là, tu veux ton dessert? Ouais, c'est ça. Ça me surprend qu'elle n'avait pas commencé par le dessert, ça allait être ce genre de fille. ce genre de fille. Ça veut rien dire comme phrase, mais je remplis le silence pour être au le sac. Hey, ça, il est plus compliqué que l'autre. C'est parce que t'as pas de talent. Ça doit être ça. Il veut pas se faire manger. Le poisson. On parle toujours de goldfish ici, les amis. Oui, oui, toujours. Mais moi, je veux la crème sur le... Oh. Est-ce que tu penses qu'il y a un petit soupçon de crème dessus? C'est comme c'est un goût là, dans le film. C'est cupcake, me semble. C'est la crème qui est bonne là-dessus. Mmh. Ah, tu vois les chats arriver. C'est les petites minouches pour les chats. Partout. Oh my God, ça sent un biscuit à vanille, en tout cas. Ouais, ça sent sucré. C'est super. Ça sent le dessert, les amis. Ouais, alors, Dan, ouais, je te laisse. On va essayer. Ah, on est-tu là pour convaincre le monde? Il n'y a même pas de crème dessus, c'est juste du gramme. Ouais. Mais faut dire que c'est des goldfish gramme. C'est une sous-catégorie de goldfish. Là. C'est pas la même catégorie que les goldfish. Pas ceux-là. C'est marqué gramme dessus. Ouais. Ah ben oui, t'as bien raison. Hey, j'ai fait fait fi des règles, j'en ai goûté déjà un. T'es pas un bon collaborateur. C'est bon. T'as vu qu'il y a du sucre dessus, hein, de saupoudrer, ouais. La petite poudre. On peut le sucre. Moi aussi, j'aurais préféré qu'il ait mis de la petite... Une petite crème. Ben, c'est un goût de vanilleux. Ouais, c'est vanillé. Mais tu sais, c'est moins spécial parce que des biscuits à vanille, un peu de même. Mais ça, ouais, on a déjà pas nouveau, ça, là. C'est ça. Ah! C'est correct, hein? C'est bon. T'es un peu déçu de celle-là. Ah ouais? Moi, ouais, encore, il y a beaucoup complet, moi. Non, je le trouve bon. T'as goût des céréales. Tu fais des bonnes céréales, oui. Là. T'as goût des bonnes céréales. C'est vrai, hein? Mm-hmm. Mettre ça dans un bol de céréales, ça va être bon. Avec du lait, moi, je pense qu'il manque une opportunité de marketing de la part de Goldfish. De tout faire en céréales, leurs enfants sucrés. Ils devraient vraiment en céréales. Ils devraient juste le proposer sur le sac. Ouais. Essayez-les avec un bol de lait. S'ils le proposent pas, c'est peut-être que ça devient extrêmement mou. Ouais, mais toutes les céréales deviennent extrêmement mou. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Mais ça, c'est vrai que ça doit être mou solidement longtemps. Mais tu sais, il me semble, leur affaire de sac comme ça, je trouve que c'est pas approprié pour des goldfish. Je trouve que ça se mangerait beaucoup mieux si c'était en petite boîte cubique, style. Mais avant, c'était ça, en boîte, mais tu sais, c'est l'économie, je pense. C'était pas en genre de pinte de lait, c'était quoi qui était en pinte de lait? Ben, c'était comme une petite boîte de carton, là, me semble, les goldfish. Il me semble que oui. C'est plus style mince aux légumes, etc. Là. Ouais, OK. Mais est-ce que vous vous souvenez des mini kangourous qui avaient la petite crème, justement? Non. C'était comme un emballage bleu. Ah, ça me dit rien du tout? Non, moi non plus. T'amèneras ça, moi. Tu sais, puis tu pouvais tremper ton biscuit dans la petite crème à vanille. Ah, là... OK, c'était des petits trucs de oui! De, pour des, un peu des comme le fromage, là. Ouais, les petits bâtonnets de fromage. Ils devraient faire des petits packs spéciales collation avec ça. Avec du Nutella dedans. Du Nutella, oui! Oh. Ou du Reese, des trucs de même. Ah oui, c'est je pense qu'on a faim. Ah, moi avec le vanille, je mettrais de la confiture. Mm. Ah, mais ça oui! Bon, ça. Mais ça ferait un petit peu crémage. Un peu crémage, mais pas que la pizza verte. Non, la pizza. Non, mais la pizza, par exemple, avec un petit fromage Philadelphia, c'est extraordinaire. Ouais, ça serait vraiment bon. Une petite trempette de tomates, genre marinara. Ouais, vraiment. Hein? Ouais, ouais. Même salsa, ça pourrait. Oui. Faudrait écrire à Goldfish. Faudrait faire des poissons en fond de cuillère. Bon, là, je suis fou, on va travailler chez. Ouais, c'est ça. Pepperidge Farms. Lâchons la radio. Allons travailler en publicité pour Goldfish. Le meilleur en bouffe qu'en radio. Mais comment se fait? C'est les deux des Goldfish? Oui. Puis il y en a un, il n'est pas écrit Farm. Pepperidge Farm, exact. Pepperidge Farm. Je pense que c'est la collabo. C'est le collabo, hein? Ah, peut-être. Ouais. C'est un featuring, Dan. Malade. Il y a un feat dessus de Pepperidge Farm. T'as vu aussi? C'est comme une vedette rock, là, le goldfish. Ouais, là, ah ouais, extrême, tellement. Ouais. Yeah, wow, avec des lunettes fumées. C'est pour une explosion de saveur. Il est wild. C'est un wild child. Malade, malade. Bon. C'est fou. Hey, merci. Hey, ça fait plaisir. C'est fou. Merci, c'est fou. Ouais, c'est ça. Je remercie l'Académie, je remercie Dieu, ma famille. Et surtout Tania Baudin pour des goldfish. C'est ça. Flavor Blast. Ouh, yeah. Oh, je suis d'accord avec toi, Matt. On aurait peut-être dû essayer sur Brownies. Ouais, ben la prochaine fois. Puis on n'aurait pas dû inviter Dan. Les chats dans le studio, qu'est-ce que t'en fais? Ça arrête plus là, de rentrer. Danny, je pense que t'es tellement de bonne humeur, tu dois pas être dans TSPM. Hein? Non. Sûrement pas. Mais si tu l'étais dans TSPM. Ouais. Hein, Tania, je parle à Danny à la place de toi. Oui. Tania, SPM, OK. De la crème glacée, quand t'es en SPM, des fois, ça te tente de manger ça, peut-être. Ouais. Ça tente tout le temps. Moi, c'est ça. Pas besoin d'être en SPM. Ah ben, mais justement, quand t'es en SPM, t'as besoin d'une crème glacée qui va te parler à toi, la femme en SPM. T'as besoin du respect que là, tu mérites en tant que femme. T'es en train de me dire qu'ils ont créé de la crème glacée au sel? Au quoi? Au cornichon? Au sel? J'ai entendu au sel. C'est comme... J'ai dit au sang. Au sang, non. Mais t'es ton bain inapproprié en ce jeudi matin. Ben, c'est toi qui parles de SPM puis de crème glacée, je vois pas le lien. Hey, c'est comme si Dany avait dit, genre, c'est quoi, tu parles de sperme? Non, de SPM, quoi? Ah! Ben oui, même affaire. Voyons les donc. Les chats, voyons donc. Mais tu me parles de quel genre? Ils sont attirés par le sang, c'est comme des requins. Donc, OK, crème glacée, SPM, oui. OK. Dessus, sur les pots, c'est écrit, je pense que je suis en train de mourir, OK? Ne m'approche pas, j'ai besoin le plus de crème glacée. C'est écrit ça sur le pot. C'est des concepts de crème glacée qui va attirer les filles. Ah, oh, ouais. Sont à SPM, tu comprends? Il devrait juste écrire « Mange ça, tu vas être belle ». C'est ça, c'est le designer graphique Parker Jones. C'est supposé montrer les trois phases des SPM. Il y a trois phases des SPM? Il y a trois phases dans les SPM. Tania, tu connais ça, t'es une fille, hein? Donc, les trois phases sont « Ne m'approche pas ». Cherche-la pas. Cherche-la pas. Ouais. « Ne m'approche pas », ça c'est Rocky Road, OK, guimauve et chocolat. « I need some more mint chocolate chip », donc ça c'est menthe et briseau de chocolat. On a tout le temps besoin de menthe et briseau de chocolat dans la vie. Et « I think I'm dying », ça c'est « Strawberry Swirl ». C'est une petite tornade à la... C'est aux fraises en plus! C'est vraiment les trois phases des SPM. C'est connu, là. Hey, je suis désolée. Moi, je connaissais pas ça qu'il y avait trois phases dans les SPM. Rocky Road, mangue puis chocolat puis fraises, c'est les trois phases des SPM depuis toujours. Là, la médecine l'a dit en cours de biologie. C'est pour ça que j'ai coulé ma bio. Moi aussi, man. Ensuite, c'est un sandwich au boule de viande avec du spaghetti comme pain. OK? Okay. Donc, le spaghetti cuit et le pain de ce hamburger. C'est le Spaghetti Meatball, which est disponible chez The Carving Board à Los Angeles. Avec boule de viande, mozzarella, sauce marinara. OK? Évidemment. Entre deux pains faits de spaghetti cuit pour avoir du crunch, là. Hein? Ça crunch-tu vraiment? C'est supposé cruncher. Hein? Parce que c'est gratiné. Pas gratiné, hein? Mais brûlé sur le dessus un petit peu, genre. Ouais. Ben, les spags bien secs, là. Le ouais, sang, c'est ça. Ça fait crunch, sûrement. Sex-spag. Sex-spag. Sex-spag? Ben, sec. Ça passe à marinara de partout sec. Parce que dans ces. Hein? Hein? Oui. Comment, excuse? Sauce marinara, oui, on parlait de spaghetti. Spaghetti. Même hier, Seb a parlé. Ouais. C'est le spaghetti. Le, ouais. Hey, oh, suivez-vous, là. Non, mais les blagues seraient tellement mauvaises si j'y allais dans le sens que j'allais faire avec serviette. Dans... Excusez-moi. Ben & Jerry's, crème glacée, encore. Maintenant en bière. Oh. C'est spécial. Bière et crème glacée, c'est pas quelque chose qui va très bien ensemble. Bière et crème glacée. Ça va pas bien ensemble du tout. C'est mais... comme une nouvelle sorte de flotteur. Oh! Oh que là, je vous ai lancé une idée jeudi prochain. Oh, malade. Donc, c'est une microbrasserie au Colorado qui s'appelle New Belgium Brewing qui vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Ben & Jerry's pour vraiment créer la première bière au caramel salé brownie. C'est la Salted Caramel Brownie Brown Ale qui va arriver dans vos réfrigérateurs peut-être cet automne. Ils sont de grands fans chez Ben & Jerry de New Belgium Brewery, de leur valeur, de leur culture amusante et bien sûr de leur bière. Ça, c'est monsieur de chez Ben & Jerry, là, le senior. C'est le senior Global Marketing Manager qui dit que donc chaque... Je ne sais même plus ce que je disais. Chaque bouteille en édition limitée va être sans culpabilité parce que c'est un partenariat philanthropique pour amasser de l'argent et pour le awareness, au courant de tout ce qui est environnemental. Apparemment, c'est pour la bonne cause, donc tu n'auras pas de culpabilité, même si tu bois de la bière au caramel salé. Hey, tantôt, j'ai compté des jokes poches. Mais ben, il était pas si poche que ça, il était vraiment bonne, mettons. Seigneur! J'en ai un autre pour toi, parce qu'on est dans le thème de la bouffe, puis ça fit. Comment est-ce que tu appelles les femmes de Jules César? Les Césariennes, je sais pas. Les Romaines! Ramène. Ouais, des blagues de même, t'en ramènes pas souvent. Oh! Ramène-en plus. Ramène coke, Dani. Oh! Elle était excellente. Excellente, si par excellente, tu veux dire. Juste correct. Donc, c'est automne, les produits de Ben. Moi, je trouve mes jokes pas mal meilleurs que tes lancements de chronique ou quoi que ce soit. Mes lancements de chronique. Ben oui. Oh, ça on va régler des choses ici, là. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais non, aucunement. And she's gonna entertain ya. Ah, la chanson que j'ai écrite? Oh! Je pensais qu'il était rendu attaché à cette chanson. C'est au même niveau d'intelligence, mettons. OK. OK, moi, ce que je vais te suggérer, OK, en revanche, OK, c'est de manger des Oreos frits. À la place de t'envoyer promener, je vais te dire, des va manger des Oreos frits. Ouais. Des Oreos frits. Hey, ouais, je suis game. Pourquoi pas des Oreos frits? Hein? On les trouve où? Oh, attention, c'est parce que vous avez pas entendu le dernier facteur qui va vous rendre ça encore plus fun. Des Oreos au bacon frit. Oh! Oh là, hein, ça vous a... J'ai de la misère à imaginer le goût mix Oreo. Ouais. Sucré-salé. Ben, sucré-salé, non, mais... Et frit. Ben, c'est et gras. Et frit. Ouais. Ouais. Ouais. Tu sais, comme, mettons, le sucré caramel avec bacon, ça fait ouais. Ben, sirop à l'érable, là, mais caramel chocolat... Ah, chocolat bacon, dans le fond, ça marche. Ouais, ça fonctionne. Ben oui, il y a des bacon trempés ouais. Dans le chocolat. Ben, de toute façon, qu'est-ce qui est pas bon avec du bacon? T'sais? Ouais, c'est. Et après ça, faut que tu te mettes sur un bâton, parce que là, tout ce qui est sur un bâton devient bon. Ben oui. Hey, un Oreo. C'est sûr que les végétariens devraient toujours mettre du bacon dans leur bouffe, ça serait bon. Mais quoi que les miettes de bacon contiennent-elles vraiment tant de bacon? Non, mais faut pas t'ajouter ça des miettes de bacon. Ouais, non, c'est ça. C'est pas très bon. Hein. Du bacon non, bits, faut que tu fasses tes miettes de bacon. Pas sûr que ça soit la bonne affaire. Bonjour. Ouais. Donc, c'est ça, c'est des Oreos au bacon frit, création d'un curateur qu'on appelle, c'est le site Oh Bite It. Ça demande pas tant d'ingrédients que ça, je te dirais. Principalement des Oreos, du bacon, de la friture, je te dirais. On peut suivre les étapes étape par étape en allant voir sur assemblagerequis.com. Hey, des Oreos au Baileys, ça doit être quelque chose aussi. Hein? Ah, toi, tu changes la recette, toi? Ouais, mais ben, c'est parce que je pensais, sucré, salé, OK. Mais mettons qu'on fait des Oreos au Baileys, là, dans une petite crème blanche. Ah, boy, là. Pas trop loin pour moi. Ensuite, une bière japonaise qui apparemment est bonne pour la peau. Hein, pour rester jeune, qu'est-ce qu'on serait pas prêt à faire? Boire de la bière. Évidemment. Boire de la bière. Selon le site japonais Entabe, Suntory vient de sortir une nouvelle bière à faible teneur en malt qui s'appelle Precious. Hein? Est-ce que ça te dit comme faux? Magnifique. Présentement disponible dans la préfecture de Hokkaido. Donc, c'est un test pour l'instant. Chaque canette de 350 ml de bière à 5% d'alcool contient 2000 mg de collagène. Certains voient le collagène comme un agent efficace pour avoir une peau d'apparence plus jeune. Suntory ne peut pas, évidemment, légalement dire que votre peau va être plus jeune grâce à cette bière-là, mais peut le sous-entendre. Hein? C'est une bière faible malt avec du collagène dedans. Collagène qui est un buzzword, un mot qui crée le buzz au Japon pour la santé de la peau. Donc, en disant collagène dans leur pub, ils n'ont pas besoin de dire. Tu dis ça, c'est ça. Ça se vend, ouais. C'est là, tu as des femmes avec la belle peau photoshopée. En fait, quand les gens disent photoshopper, c'est ça. Les gens disent photoshopper pour des pubs, mais ils auraient plus After Effects. Ouais, ça me fait toujours rire, ça, ce terme. Ah, ça a été photoshopper. Ben tu peux pas photoshopper un film, là. Il y a combien d'images dans un film? Des millions, là, ça? Toutes 30 images secondes. Ça va être long un peu. Ça fait quand même pas mal de travail. C'est fou ce que ça fait le make-up dans la vie. Ouais, oui. Voilà. Et After Effects. Et After Effects. Ouais, là, on parle After Effects. C'est fou ce que ça fait le make-up dans la vie, t'as aucun rapport. Non, mais gars, c'est du make-up pour vidéo. C'est des effects pareils. C'est ça, c'est du make-up pour vidéo. C'est ça. Voilà. Ensuite, un des burgers les plus étranges du Japon. On reste au Japon, en fait. C'est une chaîne de fast-food, Lotteria, qui connaît les burgers particuliers. On a déjà parlé de plusieurs de leurs produits. Mais là, c'est le Shrimpless Burger ou le Ebinashi Baga. Hein? La plupart des restaurants au Japon sont assez normaux, mais Lotteria va un petit peu plus loin. Les produits japonais, on a tendance à penser que tout est bizarre là-bas, mais leurs restaurants sont assez traditionnels habituellement. Ah, ouais. C'est quand même pas mal de places traditionnelles au Japon. Lotteria va plus loin. Donc, c'est un burger aux crevettes. Évidemment. Okay. Mais sans la boulette de crevettes. Donc, ouais, je sais. Donc, t'as droit à un pain, de la laitue, de la sauce tartare et c'est tout. C'est un shrimp burger sans le shrimp. Tu vois? Est-ce que le shrimp est intégré dans le tartare? Il y a juste pas le shrimp. Si t'aimes les légumes, le pain et la sauce tartare, c'est le burger qu'on t'offre sans viande, sans crevettes. Mais c'est un shrimp dans burger. Le pain, genre. Ouais, peut-être. Parce que tu sais, moi, dans les trucs asiatiques, là, t'as des genres de chips aux crevettes. Okay. Genre de grosses affaires molles. Ça ressemble un peu à des crottes de fromage. Ouais. Tu sais, la texture. Ouais. Ben, c'est peut-être en ça, un genre de fécule de shrimp, le pain, non? Ouais, ben, peut-être que le pain. Je sais pas, là, j'essaye de. T'es moulu avec des crevettes. Quoi? Est-ce que t'as les photos sur les crevettes? Comme dans saucisse, hein, il n'y a pas de viande. Tania, fais ta job. Tania, fais ta job. Mais je n'ai pas cette partie-là, mon cher Mathieu, sur le site. Ben oui, là. OK. Ben oui, là. Donc, c'est ça, c'est pain, laitue et pain. Et c'est tout. Et y a pas de... C'est ce que ça dit. Moi, je lis l'article, je sais pas. Ça nous montre le burger avec juste le pain. Et ça dit, y a un petit message sur leur panneau publicitaire qui dit que ça coûte 1,75$. Parce que c'est juste du pain, de la salade et pas des crevettes. Quand on le dit dans le nom, un burger aux crevettes. C'est ça, c'est un burger aux crevettes, pas de crevettes. Moi, c'est ce que j'en comprends. En tout cas, allez voir l'article. C'est comme les saucisses hot dog à la Mathieu. C'est le Shrimpless Burger. Ben, il n'y a pas de viande. Le Shrimpless Burger. Pas de viande. C'est un burger minimaliste, voilà, qui vous ouvre à une discussion. Voilà. Ça a débuté comme blague de poisson d'avril, apparemment, mais maintenant, c'est un vrai burger. c'est pas pour un temps limité, seulement. Ensuite, les Américains dépensent plus de temps à manger au restaurant que dans l'épicerie pour la première fois de la vie. C'est la première fois pour les Américains. Une nouvelle étude nous apprend qu'ils dépensent plus en tant que pays au complet dans les restaurants que dans les épiceries. Pourquoi cuisiner si on peut faire ça plus facile? C'est selon Bloomberg News. Selon les données du département du commerce aux États-Unis, qui montrent donc que les restaurants et les bars ont ramassé plus d'argent dans le mois de mars dernier que les épiceries. Les millénaires, les jeunes qui sont nés passés une certaine année, ouais, je ne me rappelle pas c'est laquelle, mais quand même, consomment beaucoup hors de la maison, selon Morgan Stanley. Ça fait des trous dans le budget, ça. Ça fait des trous pendant le budget, oui. Mais tout ne, tout ne va pas mal pour les épiceries. Par contre, les magasins comme Walmart, Target et Costco vendent tous quand même beaucoup d'épiceries. Et ça, c'est pas inclus dans les données du département du commerce. C'est à la place classée dans les grands marchands de grands produits, parce que c'est pas les épiceries techniquement, Walmart et Target, mais il y a beaucoup de produits d'épicerie et ça compte pas. Donc, mais maintenant, il y a une partie épicerie, tu sais, si tu fais au Walmart à Trois-Rivières-Ouest, c'est ça. Mais t'sais, c'est pas l'épicerie, là. Mais c'est pas compté dans c'est les... C'est quasiment rendu un IGA. C'est ça. C'est vraiment moins cher? C'est pas cher. J'ai acheté une douzaine de blé d'Inde pour 6 piastres. Pas une douzaine. 5 douzaines de blé d'Inde. 5 douzaines. Poche. Un panier de magasinage. Mais non, mais pour vrai, c'est une joke. Les pluchettes, assez fou. Oui, j'ai failli vous en amener. Pour vrai, je les ai oubliés. Oh, wow. On devrait faire ça. On a un grand studio maintenant, un petit poire quelque part. Ben oui, on devrait faire ça pour le. Moi, je peux faire de la bouffe, là. La pointe en dresse, on peut faire ça. Dany, une chronique de cuisine au dîner de con avec un point. Ah non, je fais juste la bouffe, moi. Tu t'occupes pas de la chronique. OK. On va faire un échange de partenariat. Tu cuisines pour nous, puis on fait la chronique pour toi. C'est excellent. Moi, je trouve ça très bon. Génial. Très bon comme idée. On va terminer bientôt, là, mais quand même, c'est une machine sur le stream. Vous connaissez les machines sur le stream? Mm-hmm. Mais qui fonctionne par Bluetooth pour faire, par exemple, des Cosmopolitan avec des bulles, là. Ouh! Oui. Une nouvelle machine à carbonisation. C'est le mix qui était montré à Milan récemment. Donc, les visiteurs du théâtre Versace avaient la chance d'utiliser des breuvages, de boire des breuvages pour adultes. Le mix peut donc faire de l'alcool avec des bulles. Ça a un affichage couleur, connectivité Bluetooth et une application smartphone compagnon qu'on peut utiliser pour envoyer, téléverser, uploader des recettes de cocktails. Une fois que les recettes sont sur la machine, ça peut vous guider à travers le processus de mixage. Et ça s'occupe aussi de brasser au bon moment. Parfait pour tout le monde qui préfère brasser et non pas shaker. Ben oui. Mais c'est ça, je suis en train de me demander à quoi servait le Bluetooth. Et là, tu l'as bien expliqué à la fin parce que j'étais là. Pas pire. Ça donne quoi que ça soit connecté? Ouais, c'est ça. C'est pas comme un burger sans crevettes. Non. Et donc, le mix a un statut, comme un genre de statut Facebook qui vous dit en train de raffiner les bulles, en train de raffiner. Et en train de, tu sais, genre, c'est toutes les... Oh, ouais, les étapes, là. Bref. Et ça a pas l'air peu cher, mais pour l'instant, on sait pas. Ils envoient sur ton compte Twitter pour dire au monde, là, je suis en train de me faire un cosmopolitan. Je suis en train de le shaker. C'est je suis en train de le faire carboniser. Exact. C'est Snapchat, le My Face. Et c'est tout pour cette chronique-là. Ça va faire. On a besoin de passer à la chronique de Tania tantôt, donc on va arrêter ici. Et puis on va encore parler de bouffe. Génial. C'est vraiment les jeux du bouffe, hein? Je pense que oui. Une grosse pointe d'adresse, il vient sur assemblagerequis.com. Merci, Dany Janvier. Merci Dany. À vous autres pour les poissons. J'ai vu passer le prochain invité de la prochaine émission tout à l'heure, rapidement, si jamais tu veux y amener des goldfish au pizza. Il est pas tant à la bonne place, même si ça reste orange, le sac. Hein, oui, c'est ça. Quand, Non, c'est dans une demi-heure, Génie, en liberté. Oui, exactement. Merci, Dany. Bye. Hey, merci, Dany. On se quitte quelques instants et au retour, ça va être une grosse tagnole. Une grosse tagnole. C'est le nom de ta nouvelle chronique, Tania. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 17 septembre 2015. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. Ah, et déjà presque à la fin de l'émission pour la semaine. Hey, déjà. Ça va vite, hein? Ça se peut pas, là. On va avoir deux semaines de fête et on s'en est même pas rendu compte, là, à peine. C'est fou. Moi, j'aime ça quand ça va vite. Dit-il et en regrettant instantanément ses paroles. Voilà. Ça nous amène à un moment clé de l'émission, un moment phare. C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tanya. And she's gonna entertain ya. Ta-ta. La la la la la la la la. Fui fui fui fui fui fui fui. Bou bou bou bou bou bou. La la la. She's gonna entertain ya. C'est Tanya Baudin. Hey, bonjour Mathieu Plante, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Excellent. On a vu qu'on a décroché un peu pas mal avant la pause. Hein. On s'excuse pour... Les chroniques étaient drôles, je pense. Hey, chroniqueurs aussi. Je pense sérieusement qu'il nous manquait de caféine dans le corps ce matin. Ça arrive. Une journée par semaine, on a le droit de se lâcher là, puis c'est le jeudi. C'est jeudi. D'après moi, c'est les petits goldfish aux pizzas qu'ils nous ont fait. Aux pizzas, aux différentes pizzas. Aux différentes pizzas. Ça prend plusieurs pizzas. Pizza au dress, pizza pepperoni fromage. Donc, Tanya, aujourd'hui, tu nous parles... en fait, je sais ce qu'on va jouer comme musique. Tu sais ce qu'on va jouer comme musique. Mais je sais pas si ton sujet a rapport avec ça, justement. Ben, plus ou moins. C'est ça. Hein? Plus ou moins, mais vous allez voir le lien par la suite quand je vais vous en parler. Mais je vous parle d'une entreprise trifluvienne. Okay. Qui prend beaucoup d'ampleur à Trois-Rivières. En fait, hier, j'ai été invitée au 5 à 7 du groupe Décoralium. Oh. Est-ce que tu connais Décoralium? Je connais pas. Est-ce qu'ils ont payé pour ce reportage ici? Non. Ah, ben, je connais pas ça. S'ils avaient payé, je dirais, ben, bien sûr. Ouais, mais dis-moi ça. Plus. dis-moi. Mais en fait, le groupe Décoralium, c'est un groupe qui existe depuis maintenant 1989. Ça a été fondé par Marc Duval et la cofondatrice qui est sa sœur. Et ça a commencé dans le sous-sol chez leurs parents. Okay. Mais qu'est-ce que le groupe Décoralium exactement? Eh bien, c'est, en fait, c'est un groupe de créateurs d'ambiance pour vos événements. Okay. Donc, ils s'occupaient de tout ce qui était décoration. Pour exemple, mariage, tout ce qui est corporatif, 5 à 7, ce genre d'événements. Mmh. Vous savez qu'il existe plusieurs compagnies là-dedans. Mais je voulais vraiment souligner, en fait, le groupe Décoralium parce que vraiment, hier, ils nous ont appris beaucoup d'ampleur et ils nous ont appris aussi beaucoup de nouvelles choses dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais comme je disais, ça a commencé dans le sous-sol de la maison familiale. Ils sont maintenant à Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville, Québec. Ils ont plus de 18 000 événements à leur compte maintenant. C'est quand même beaucoup, là, tu sais. On dit souvent, ah, la ville de Trois-Rivières, c'est la pause pupille entre Montréal puis Québec. Hey, c'est plus ça, OK? C'est Pertierville. C'est ça. Voyez comment qu'on change le monde à Trois-Rivières. Mm-hmm. Et puis, en fait, c'est eux qui ont créé le tapis rouge de l'amphithéâtre Cogeco, ici sur le bord du Saint-Laurent et de Rivière-Saint-Maurice. Ouais, je te fais confiance. Ben, écoute, je connais pas tant mes cours d'eau, là, mais je pense que c'est ça. C'est le croisement entre les deux. Si. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est depuis la création du tapis rouge de l'amphithéâtre Cogeco pour le grand lancement, c'est là qu'ils ont commencé à se faire connaître vraiment partout au Québec, parce que là, il y a des gens d'ailleurs qui ont commencé à voir ce que c'était le groupe Décoralium et les ambiances qu'ils pouvaient créer. Mmh. Et vraiment, ça a été un franc succès. Hier, c'était le 5 à 7, comme je disais, à leur entrepôt. Ben, c'est et... des gros, pas. Oui, c'est ça. Et en fait, ils nous ont montré qu'ils allaient avoir une salle de montre à l'année longue. Donc, okay. Si jamais vous voulez voir ce qu'ils peuvent faire, il y a maintenant une salle de montre sur la rue Bellefeuille à Trois-Rivières. Je pense que je suis déjà passé devant. J'ai déjà vu ce commerce-là. Et j'étais sûr, par le nom, je ne sais pas si c'est, si c'est juste moi, mais j'avais l'impression qu'ils faisaient juste genre vendre des tuiles, mettons. Ouais. Décoralium, ça me disait un magasin de tuiles. Ben non, du tout. Laisse-moi te démentir cette pensée. Foutaise! Mais voilà. Et hier, ils nous ont fait l'annonce de deux nouvelles divisions. Donc, je disais que ça prend de l'ampleur un peu partout au Québec, mais ça prend aussi de l'ampleur ou vision, pas économique, mais je dirais partenariat. Tu peux le dire, ouais. Si tu veux. Je suis pas sûr que ça se dit, mais ouais, tu peux le dire. Mais en fait, ça s'agrandit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'employés qui sont là à temps plein. Il y a une équipe de feu qui vont aller sur place pour justement monter toutes les salles si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. L'équipe de feu ne sont pas tous morts. Non, une équipe de feu dans le sens qu'ils sont très dynamiques. Ah, j'aurais jamais pensé. Et voilà. En fait, les deux nouvelles divisions, c'est des collaborations, des partenariats qui s'agencent avec le groupe Décoralium de Trois-Rivières. D'ailleurs, événement Veritas qui lui prend en charge tout ce qui est animation, tout ce qui est gestion de l'événement. Donc, on fait plus seulement des décors pour les gens qui appellent. On prend vraiment en charge tout l'événement en question. Enfin, le Allium, ça a quelque chose parce que ça s'envole comme de l'hélium. Oh boy. Mais la musique est plus appropriée quand c'est ça. Elle est aussi bonne que ma joke des Romains tantôt. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir voir une compagnie d'ici qui prend justement de l'ampleur comme ça. Avec Événement Veritas, comme je disais, ça peut venir mettre la gestion de l'événement au complet dans un de vos projets. Et il y a aussi A1 Multimédia qui s'occupe de tout ce qui est, ça le dit, multimédia durant votre soirée ou votre événement en question. Pas nécessairement un 5 à 7 ou un cocktail dînatoire ou quoi que ce soit. Ça peut être, tu sais, je sais pas moi, un brunch pour un shower de bébé, mais vous voulez une salle, puis vous voulez un décor assez exceptionnel, là, comme le shower de Kim Kardashian, là, qui a passé à la TV au moins 142 fois dans les dernières années. Tu l'as regardé toutes les 142 fois. Non, mais je dois avouer que c'était vraiment un Moses de beau shower. Ah, oh boy. C'est une je pense que si un jour j'avais à venir avoir des enfants... Let's go. Là, je fais des petits clins d'œil à ma famille. Je veux un shower de même. Okay? Quand tu fais des clins d'œil, ça fait... Ben oui, mais ils peuvent pas les voir. OK, t'es comme très visuel dans tes gags. C'est ça. Pas comme moi. Pareil. Alors, il y a Événement Veritas et A1 Multimédia qui viennent justement s'affilier avec le groupe Décoralium pour faire de vos événements un événement grandiose et quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement besoin de vous stresser. Oui. Tu comprends? Quand on prend en charge la gestion d'un événement, que ce soit pour une fondation ou que ce soit justement, comme je le disais, pour un shower, la plupart du temps, la personne qui va organiser ça, nécessairement, il y a un stress qui vient avec. Oui. Mais si jamais vous donnez toute la gestion de l'événement à quelqu'un de fiable, à quelqu'un qui sait où qui s'en va, c'est sûr que ça vous enlève un gros poids sur les épaules. Je suis tellement bonne pour plugger le monde. T'es très, très bonne. Et moi, je suis bon pour les slogans. Donc, Décoralium et Veritas, t'as tellement pas besoin de... Elle était bonne. Décoralium et Veritas, t'as tellement pas besoin de stresser. Fait que Veritas au-delà de là, ils vont régler ça pour toi. C'est pas pire, ça? Ouais, c'est... Veritas au-delà de là. Je trouve ça... C'est ça, ou Veritas, puis Verisoucoupe, ou Vericoupe, c'est comme... comme une tasse. Mais... Fait que, tu sais, j'ai bien fait de faire l'autre. Hein. Ouais, ouais. Ça a tombé à plat. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, hier, au 5 à 7, il y avait non seulement les deux nouveaux partenaires, mais il y avait aussi tous les partenaires en tant que salle. Tu sais, c'est pas parce qu'on va appeler le groupe Décoralium que nécessairement on va dire « Ah, moi, je le veux à cette salle-là ». Puis hier, au 5 à 7, ils nous présentaient justement les différents partenaires qu'ils ont. Il y avait d'ailleurs le Delta de Trois-Rivières qui était là. Le Musée de la culture québécoise qui était là aussi. Mmh. Tu sais, ici à Trois-Rivières, je savais même pas qu'il y avait des salles au Musée de la culture québécoise populaire qu'on pouvait louer pour faire des événements. Et je suis quand même assez surprise parce que c'est un très bel immeuble. Mmh. Le gouverneur de Shawinigan, il y avait, pour n'en nommer que quelques-uns, là, l'Auberge du Lac à l'Eau-Claire, le Rouge-Vin était là. Et là, voici mon moment de bouffe. Ah, c'était ça, il y avait de la bouffe là, il me semblait aussi. Oh mon Dieu! Tu comprends pas. You don't get it! Mathieu, j'ai goûté à des affaires qui étaient, ma foi, exceptionnelles. OK, dis-moi en plus. J'ai mangé un tartare de bœuf avec un chutney d'oignons, mettons. Comment? Des oignons caramélisés. D'accord. Le tout servi dans un cornet salé au sésame. Ah. Et ça vient du rouge vin, là. T'en as pas ramené un pour la chronique de ce matin. Je suis pas certaine que ça aurait tenu dans ma sacoche. Tu es là toute la nuit. C'est ça. Mais Mathieu, c'était une explosion de saveurs en bouche. Wow. C'était tellement bon. C'était comme un party bon. Dans ta bouche et tout le monde était invité. Ah ouais, mm-hmm. Vrai. Ouais, on pourrait le dire comme ça. Il y a aussi le gouverneur de Shawinigan qui nous offrait... Là, je vais en nommer deux, mais la deuxième, je vais la nommer plus tard parce que je la garde pour le dessert. OK. Ils nous ont servi, en fait, un cocktail de crevettes et de pétoncles. Oh, j'aime ça, les fruits de mer. Oh. Tu comprends pas, là, il y avait une petite sauce là-dedans. J'aurais dû m'informer à savoir quelle était la petite sauce. Mais c'était une petite sauce style tartare. Ouais. C'était tellement excellent, là. Le mélange des fines herbes avec les pétoncles et les crevettes dans cette sauce-là, c'était, ma foi... Et ça, c'est le genre de chose que maintenant que t'aimes ça, tu sais pas, ça venait d'où, donc tu peux pas être en acheter d'autres, c'est ça? Ben, c'est surtout que c'est les partenaires qui les faisaient. Oui. C'est donc, exemple, le rouge vin, bien nécessairement, c'est eux qui ont produit le menu. Tu sais, c'est toutes des idées pouvais voir si jamais tu fais affaire avec Groupe Décoralium. Ouais. C'est le genre de menu, si jamais tu fais un cocktail dînatoire, qu'ils peuvent te présenter, tu comprends? Et wow! Et aussi le rouge vin, encore une fois. Eux autres, là, ils faisaient de la bouffe exceptionnelle. Ouais. Ils nous ont présenté un petit bocal, en fait, de crabe, homard et je serais tentée de dire guacamole. Ah oui, drôle de mélange. Mais sans tomate. OK. avec des avocats, évidemment. Ouais, c'est ça, une purée d'avocat et lime. Ah! Avec, t'en dis trop, il y en a trop. Avec un petit peu de sésame, c'est le top. Pas survivre à autant de suggestions culinaires. Mm-hmm. C'était tellement bon dans la bouche, là, tous les petits mélanges différents. Et évidemment, je reviens au gouverneur de Shawinigan parce que tout à l'heure, je disais que j'allais garder le meilleur pour le dessert. Mm-hmm. Ha! Tudum-tudum. Oui, c'est super drôle, ça mérite en fait, ce sont les seuls qui présentaient une alternative de dessert si jamais vous faites un événement justement avec le groupe des Coralliums et tout ça. Ils nous ont présenté des tuiles de chocolat et orange avec une mousse à l'intérieur qui était soit à la fraise, soit au caramel salé, soit, j'ai dit fraise, caramel salé ou soit au chocolat. Ah, wow. Une tuile comme un genre de gros carré. C'est comme une de... tulipe. Tulipe, wow. C'est une tuile refermée en tulipe avec la mousse à l'intérieur. Wow. Je te laisse saliver. Ouais, c'est ça. parce que c'est raison. Je suis bouche bée là devant tout ça. Oh, c'était très bon. Et l'accueil du groupe des Coralliums a tellement été exceptionnel. Il y avait beaucoup de gens politiques qui étaient là. C'était quand même un gros événement hier, un gros 5 à 7 qui faisait bon être pour rencontrer des gens d'affaires aussi. Ça a été super. Le maire Yves Lévesque qui était là pour souligner l'ampleur justement que le groupe des Coralliums prend. Alors, avec tout le succès que les garçons du groupe des Coralliums ont, mais je me suis dit, justement, voici le lien avec la pièce musicale qui va suivre. Je cherche encore, oui. Mais en fait, c'est que rien n'est à leur épreuve. Alors, voici la pièce « I'm gonna take that mountain » de Reba McEntire. Wow, c'est un lien. En effet, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est Agnès gonna entertain. Eh bien oui. Malheureusement. Soul. Ain't afraid of the great unknown or a winding road that's all uphill. This is just a stumbling block, intimidating wall of rock. If you think this broken heart will break my will. This heartache to survive. I may slip and I may fall, but even if I have to crawl, I'll break through to the healing side. I'm gonna take that mountain. Ain't nothing gonna slow me. Gonna cross it, climb it, find it. Et c'était Take That Mountain avec Reba McEntire sur les ondes de 89.1 FM. Vous écoutez toujours Assemblage Requis avec Mathieu Plante et... Tania Beaudin, une certaine Tania Beaudin. Ouais, voilà. C'est presque la fin de l'émission et en fait, on va accueillir notre ami Samuel Girard de Génie en Liberté qui s'en vient dans quelques instants. Bonjour. Hey, bonjour. Ça va? Ça va super bien, toi aussi. Oui, très, très oui, bien. Très bien. Tu as une émission assez large ce soir, ce matin. Ce soir. Ce soir. Pour Pâques. C'est pas le baseball Pâques, là, encore. Spécial Pâques. Ouais, c'est ça. Dis-moi en plus. Hey, non, j'ai eu beaucoup de choses ce matin. Vraiment, on va parler avec M. Robert Aubin du NPD. Donc, commencer mes entrevues avec les politiques qui se présentent à Trois-Rivières. Ouais. Donc, j'aime ça m'amuser avec ça. Puis, on commence en force ce matin. Sinon, comme sujet aussi, je vais avoir un nouveau chroniqueur qui va nous parler d'actualité internationale. Et ce matin, il nous ramène le Charlie Hebdo. Donc, la controverse oui. en ce moment avec ça. Ouais, oui, c'est exactement. Encore. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir à dire là-dessus. On va en discuter. Après ça, il y a Stéphanie qui nous a préparé une chronique sur les doubles standards. Okay. Donc, ça, c'est sûr que ça amène toujours son lot de discussions. Hommes et femmes. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Uh-huh. Ça va être le retour de notre chroniqueur financier, okay. Celui qui était co-animateur avec moi au début de Génie en Liberté. Donc, Jean-Sébastien qui fait son retour. Celui qui fait l'intro de l'émission, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Oui, j'ai gardé lui. Ouais. Je voulais qu'on garde une petite part de lui dans l'émission. Donc, c'est ça, il va nous parler d'un sujet quand même très intéressant qui touche beaucoup de monde, l'achat d'une première maison. Okay. Comment ça se passe? C'est quoi les conseils qu'on peut donner au monde dans ce temps-là? Et on termine l'émission. Donc, c'est une nouvelle que j'ai vu passer beaucoup. Donc, coupure d'à peu près des quarts des postes pour les relations étrangères par rapport au Québec. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Mauvaise chose? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que Steph en pense? Donc, évidemment, avec le temps qui va nous rester, c'est la petite discussion qu'on va avoir. Mais oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup de sujets. Donc, reste à voir à quel point je vais rester calme ce matin et zen. On porte pas trop ce matin. Là. Du beau ce contenu. Soir. Ouais, ou ce soir, selon Mathieu. Ben non. Pas, les gens réécoutent plus tard. T'sais. Non, mais oui, en rediffusion. Il fait beau. Il fait beau, donc... Je suis censé être capable de rester zen. On va voir à Zénie en Liberté. Oh, à partir wow. de 9h30. Ensuite, le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. À 16h, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. Radio Sonic. Non, en fait, pas de Radio Sonic, c'est du baseball. Baseball. Ben oui, il y a du baseball encore. Ce soir, vendredi, peut-être samedi et dimanche, le baseball des Aigles à partir de 18h50. C'est moi qui fais la mise en onde, donc je vais être avec vous mentalement. Deux autres victoires de 12-0. Hey, puis ça va aller bien. 12-0. Incroyable. Incroyable. Bonne main d'applaudissement aux Aigles de Trois-Rivières. Bravo. C'était poli. Wow. C'était un jeu du golf. donc, le baseball des Aigles ce soir à 18h50. Merci à Samuel Girard. Ça fait plaisir. Merci Tania Beaudin. Merci Mathieu Plante. Et on se retrouve lundi à partir de 6h30, en direct à partir de 7h30. Bonne fin de semaine. Bye. Thank you. C'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me cause, ce qui me cause. C'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin. C'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me cause, ce qui me cause. C'est que t'as perdu